Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Dorothea. Bonsoir Alice. Comment vas-tu? Ça va et toi? Parfait, parfait. Alors, bienvenue dans ce 17e live du coup de Beauté Imaginée Dorothea. Merci de m'accompagner ce soir. Bah, merci à toi d'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Avec plaisir. Alors, je pense que les auditeurs vont mettre quelques minutes peut-être à nous rejoindre sur ce rendez-vous pour parler donc de beauté et du métier de coiffeuse. Je vais commencer par mon introduction et puis ça les fera venir. Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Si un soir, ça vous dit d'être mon invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors, du coup, Dorothea, ce soir, on va parler de ton métier de coiffeuse, donc dans Beauté Imaginée. Et je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. On s'était rencontrés pendant le live sur les tatouages. Tu nous avais raconté ton expérience, toi, côté tatouage, et on avait vu d'ailleurs ton Instagram, très sympa. Est-ce que tu peux peut-être nous redonner ton Instagram? Oui, bien sûr, bah, j'ai enlevé mon Instagram pour que les gens puissent m'imaginer, en fait. Ah, tu as raison. C'est une très bonne. Tu as bien raison. Voilà. On le donnera après. Bien vu, bien vu. Voilà. En Donc effet, après, ça sera mieux. Donc je Ouais, mettrai au moment. après, voilà. C'est vrai, parce que donc, chers auditeurs, au vu des différentes infos que va nous donner Dorothea, vous aurez quelques caractéristiques à deviner sur elle dans quelques instants, après toute la partie questions. On a donc ce soir Sophie, Léa Carbo, Guada, Lavoie, Jus et Claire qui nous écoutent. Merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous. Alors, du coup, toi, je sais que tu es déjà assez active sur Stéréo, hein, c'est ça, Dorothea. Tu as commencé il y a combien de temps? Alors, j'ai découvert Stéréo. Après, je ne suis pas sur, comme je disais, sur un autre live, comme quoi j'étais plutôt sur un live russe, en fait, sur la Oui. Stéréo russe. Et Ouais. du coup, je l'ai découvert. C'était fin février. Et D'accord. donc, oui, ça fait un petit moment déjà quand j'en fais des lives donc sur Stéréo plutôt russe, mais peut-être je vais en faire D'accord. plus sur Stéréo français. Donc, Ça voilà, à y est, ouais, voir. c'est peut-être Donc, c'est un mon premier début. live. Ah ouais, c'est ton premier live sur le stéréo français Voilà, finalement. c'est Ah ça, bah, trop avec bien. toi. Et d'habitude, les thèmes que tu abordes, parce que comme je ne lis pas le russe, je n'ai pas forcément compris les thèmes que tu abordes habituellement, toi, c'est quoi? Alors, je faisais des lives, on parlait un peu de tout, en fait. On parlait un peu de D'accord. films. J'ai plusieurs Ouais. rubriques, en fait, avec différentes personnes. Donc, après, on a plutôt des concours, je sais pas, des thèmes. On aborde plusieurs D'accord. thèmes un peu psychologiques. Après, je faisais aussi des lives un peu musicales où je chantais aussi. Ah, oui. Donc, voilà. D'accord, ouais. Donc, oui. C'est vaste. Ok, super. Eh bien, du coup, chers auditeurs, si vous avez des questions côté cheveux, coiffure et tout, c'est le moment de les poser, hein, profitez-en. Nous avons été rejointes par Samantha. Salut Samantha, Nolan, Esther, Astrée. Bonsoir à tous. Et on va commencer, du coup, à te poser des questions sur ta profession de coiffeuse d'Orofea. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours, toi, dans la coiffure? Alors, moi, c'est vrai que j'ai jamais pu imaginer qu'en fait, que je vais devenir une coiffeuse. D'accord, C'était venu comme ça, en ouais. fait, sur le moment. En fait, j'étais en seconde générale et je voulais faire le bac littéraire. Mais Ok. j'avais encore des difficultés avec le français. Ils me disaient que, bah, avec le bac, Ah. ça ne va pas le faire, ça va être compliqué pour toi. Et ils m'ont lancé, D'accord. ils m'ont dit que je peux trouver peut-être dans des métiers en apprentissage, en fait, faire des études en apprentissage. Donc, j'ai cherché un D'accord. petit peu et j'ai regardé par rapport à la coiffure. Donc, j'ai fait mon CV, la lettre de motivation. Et du coup, je me suis lancée comme ça. J'avais le choix, en D'accord. fait. Finalement, j'étais prise en bac littéraire. Finalement, Ouais. c'était bon. Mais du coup, D'accord, j'ai eu une ok. Mais. proposition d'un patron Ah d'un ouais, salon classique. ça t'a motivé. Voilà, d'un salon D'accord. classique. Je me disais, je vais Ah. avoir le salaire, je vais avoir un métier. Ouais. Voilà, donc Bah je oui, suis c'est partie vers valorisant, là, en fait. forcément. Voilà, c'est ça. D'accord. Top. Et du coup, ça fait combien d'années à peu près que tu exerces? Alors, j'ai fait 12 ans au CAP, donc, Ouais. et après, du coup, j'ai fait 12 ans en brevet, en contrat en professionnalisation, en fait. Donc, c'est un BP, en fait. Donc, oui, D'accord, 4 ans oui. en études. Voilà, donc là, ça va D'accord. faire un an que je travaillais aussi en domicile, quoi. Voilà. À domicile, ah oui, d'accord. Et bah, du coup, à domicile, comment ça se passe? Tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Tu aimes bien ou finalement tu préfères le salon? Bah, du coup, finalement, bah, je me suis retournée, là, je viens retourner dans un salon parce que D'accord. à domicile, c'est bien, mais il faut avoir sa propre clientèle, ce qui n'est pas facile, Ah surtout oui. en période avec le Covid. Donc, il y a Oui. beaucoup de gens qui n'osent pas inviter chez eux quelqu'un, ou il y en a, bah, y en D'accord. a qui s'en foutent, mais des fois, c'est compliqué quoi, de trouver. Donc, il faut sa propre clientèle. Et puis, si tu oublies quelque chose, bah, faut toujours penser à tout. Et si tu oublies quelque chose, Ouais. bah, tu ne peux pas y retourner. Enfin, donc, voilà, Oui, c'est c'est un peu sûr. compliqué. Alors que dans un salon, tu as la clientèle qui vient chez toi, donc tu as tous les produits qu'il faut. Ouais. Tout le confort, en fait, on va dire. Et puis le contact en équipe, Oui. ce que j'aime, en fait. Ah oui, ça te Ce que je manquait? préfère, Oui, oui, de travailler en finalement, solo. oui, c'est ça. Donc, en équipe, je préfère travailler en équipe, en fait, que d'être solo, en Ouais. fait. Ouais, je Après, vois. c'est vrai C'est plus que, motivant au voilà, quotidien et c'est tout ça. ça. Oui. Ouais. Et comment tu faisais pour te constituer un peu une clientèle à domicile? Tu procédais comment? Alors, j'avais des. Bah, comme en CAP, on a beaucoup de modèles sur lesquels on Ouais. exerce, en fait, qu'on s'entraîne, hein, on va dire, pour appliquer les couleurs, faire des coupes. J'avais un peu ma petite clientèle qui est restée, qui me servait D'accord. de modèle, mais du coup, est devenue ma clientèle. Et Ouais. puis, par des annonces, en fait, sur Internet, D'accord. simplement, voilà. OK. Oui, donc petit à petit, oui, mais ça se fait sur du long terme, en fait, c'est ça. Il faut C'est ça, après, il y a quelqu'un beaucoup de temps. qui passe à quelqu'un l'information comme quoi je coiffe. Donc Oui. après, ils me donnent un petit Le numéro. Donc bouche à voilà, donc ça, oreille. voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, mais c'est sûr, c'est tout un travail en plus du travail pur de coiffure. Il faut constituer tout un réseau. Donc, ouais, j'imagine que C'est ça prend ça, du oui. temps aussi, quoi. Et alors, toi, dans ton travail, c'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent à tes clientes? Alors, c'est compliqué, il n'y a pas un conseil, un seul Oui. conseil, parce que chaque cliente, bah, Oui. il y en a qui n'aiment pas du tout faire soin de ses cheveux, il y en a qui n'aiment pas du tout leur coiffer, enfin prendre Ouais. la tête, en fait, prendre son temps de ses cheveux. Oui. Et il y en a des clientes qui, justement, ils vont plus faire des brushings, à faire des soins, à vraiment. Donc, type de cheveux, donc ça dépend de clientes, en fait. Mais surtout, bah, quand même faire des soins, je Oui, là, je me demandais s'il n'y avait pas une phrase peut-être que tu t'entends répéter, tu vois, plusieurs fois par jour, peut-être. Et peut-être que ce serait ça. Alors, le fait de faire des soins, c'est souvent ce que les clientes ne font pas assez. En fait, dans mon métier, c'est moi qui va poser plutôt, questionner la cliente, en fait, pour savoir ses D'accord, ouais. habitudes, en fait, parce que moi, je ne pourrais pas imposer quelque chose qu'elle ne va pas faire. Par exemple, le client qui n'aime pas du tout se coiffer, par exemple, faut que je trouve Ouais. une coupe ou un soin, par exemple, si elle n'aime pas faire des masques, bah, je lui fais lui proposer, par exemple, un petit spray sans rinçage pour qu'il fasse Oui. pas. Il n'y a pas un conseil général. Oui, je vois. Prends Ouais, soin de tes c'est cheveux. vraiment personnalisé. Ouais, C'est ça, c'est oui. vraiment personnalisé. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, je vois. Et qu'est-ce que tu préfères faire, toi, en termes de technique dans ton quotidien? Alors, j'ai pas de choses que je préfère le plus, mais après, je suis beaucoup Ouais. dans tout ce qui est coloriste. J'aime Ah. tout ce qui, j'aime balayage, tout ce qui est Ouais. French touch, donc les techniques un peu dans les balayages, bah, les couleurs. J'aime bien beaucoup les coupes transfo aussi. J'aime bien beaucoup transformer. Pour moi, c'est un D'accord. gros plaisir quand une cliente arrive avec les cheveux Ah. longs et me dit, bah, tu sais qui tu veux. Relookez-moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je suis. Il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont C'est peur, en fait. stressant. Ouais, c'est Voilà. vrai. Parce qu'il faut connaître la morphologie. Donc, moi, j'y connais. Quand je vois un truc, bah, je me dis, bah oui, il n'y a pas de souci, on fait ça. Et puis, bah, voilà. Ouais, moi, je Ouais. préfère ça. Mais puis, les coupes-hommes aussi, j'aime bien aussi. Enfin, tout ce qui est dégradé, Ah les coupes oui. classiques. Oui. C'est pas. On dit que c'est plus compliqué, en fait, faire une coupe-homme parce que c'est très carré, en Ah, fait. Alors d'accord. qu'une femme, c'est beaucoup. Oui. Bah, oui, il y a de la longueur, quoi. Donc, on peut jouer Ouais, un je peu. vois. Le moindre défaut va se Ah bah c'est repérer ça, sur c'est un ça. homme. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ça. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de regarder des tutos de coiffure, toi, sur Internet? Ou Bien ça, sûr, c'est pas je trop. fuis. Ouais. Oui. J'ai plusieurs coiffeurs. J'ai des coloristes aussi que je suis sur Instagram qui sont très D'accord. reconnus dans sont dans l'Amérique ou en Russie Ah. ou qui sont oui plutôt par là oui une coloriste en Russie je suis qui fait des couleurs plutôt des arc-en-ciel donc tout ce qui est couleurs vraiment bien pétantes en fait donc elle est vraiment dans le ça Ah, après je d'accord. suis donc j'essaie de regarder oui quand même de Ouais. me parce que les tendances, quand même, ça change et les techniques, ça change. Oui. Et dans la coiffure, c'est très, très varié. Et ça... Chaque année, il y a une nouvelle technique. Et donc, oui, c'est important de s'informer, en fait, là-dessus. Ouais, je vois. Bah, justement, c'est l'auditrice Cricri la dernière fois qui avait cette question à te poser. Elle se demandait si en tant que coiffeuse, tu devais souvent suivre des formations pour un peu te recycler, suivre les tendances. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Après, il y a des produits aussi, beaucoup sur les produits, les nouveaux produits. Donc, on fait beaucoup d'informations. Oui, ça dépend. Mais beaucoup sur les produits, en fait, comment on travaille avec ça, D'accord. par exemple. Donc, sur ces choses-là. Et puis, bah, par exemple, comme des colorations végétales, je n'en ai jamais fait. Donc, l'employé va me proposer une formation pour que je puisse après bah, mettre ça sur la clientèle, en fait. Et ensuite, Oui, je vois. voilà. D'accord. Ouais, donc et après c'est toi si toi tu as envie de voir de nouvelles techniques ou de suivre la mode, etc. Là, c'est toi de toi-même qui regarde, comme tu disais, des influenceurs, etc. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de tutos en fait. Bah, après, il ne faut pas faire chez soi. Hein. Oui. Moi, oui, beaucoup de techniques, j'ai vraiment pris sur les vidéos Instagram, sur des tutos sur YouTube en fait. Mais plutôt sur Ouais. Instagram, c'est des courtes vidéos. Mais il y a une technique, par exemple, faire une petite frange aux franges Frido, je ne sais pas. Et puis, Ah. bah, vu que j'y connais, donc moi je peux mettre, je peux utiliser ça dans mon Oui, je business. Mais vois. par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas sur soi, Oui, c'est déjà un ça peu va être plus compliqué. risqué. Voilà. Ouais. Mais donc toi, c'est une source d'inspiration vraiment. Tu peux nous conseiller une ou deux personnes à suivre, même si on n'est pas dans le milieu de la coiffure. Est-ce qu'il y en a qui sont plus accessibles peut-être pour des clientes qui ne sont pas coiffeuses ou qui font des choses jolies, hein, tout simplement à regarder? Bah souvent les coiffeurs aimaient des choses. Bah moi j'en avais, c'était Alfred Lévis. Hein. Mais lui il est beaucoup coloriste en D'accord. fait. Hein. Après il y en D'accord. a. C'est vrai qu'en coupe, je suis pas. Ah si, j'ai trouvé. C'est Andy's Clippers. Lui c'est plutôt dans les coupes un D'accord. peu hommes, mais lui c'est un peu tout ce qui est dégradé. Après, non, c'est plutôt des professionnels en fait qui Oui, montrent vraiment d'accord, des qui techniques un vont. peu complexes. Donc, après, Ouais. si vous voulez faire vraiment se renseigner et essayer de faire chez soi, vous pouvez regarder des Oui. vidéos sur YouTube, Ouais. mais ça va être, je pense, ça va être un petit peu compliqué. Après, pour faire Oui, peut-être une on franche prend un rideau. risque. Voilà, il y a des techniques qu'on peut faire chez soi, mais après, derrière, j'en connais j'en ai vu des vidéos où il y a des filles qui se coiffaient, qui faisaient des coupes Ouais. pixie à la tondeuse toute seule, hein. Mais après, il y a des miroirs Oui. derrière, donc tout est pour voir. Oui. Donc, c'est un Oui. peu compliqué, quoi. S'assurer qu'on fasse pas trop de bêtises. Oui, de toute façon, ouais, y a toujours un risque si on fait soi-même, c'est sûr. Et je crois que ça hache peut-être un petit peu. Je sais pas s'il y a que moi qui l'entends. Tu as des écouteurs là? Tu Oui. parles dans le téléphone? y a un Comment petit. j'enlève peut-être? Peut-être qu'il faut que tu t'éloignes un peu du micro. Je vais voir. Peut-être c'est mieux comme ça? Ah, je pense que c'est mieux. On va voir. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu prends soin de tes cheveux au quotidien? Alors moi, j'utilise beaucoup de marques en fait. J'aime bien changer les produits. J'ai plusieurs D'accord. marques que j'utilise. Après, c'est dans les L'Oréal. Après, ça peut être la Biostick ou que je connais Kérastase aussi. Ça, c'est D'accord. la gamme au-dessus de L'Oréal. En fait, c'est L'Oréal, mais c'est plutôt une gamme un peu riche. Professionnel Non, ou ouais. ouais, Ah, professionnelle, d'accord, haut de quoi. gamme. Haut de gamme, voilà, c'est ça, ouais, cherche le D'accord. mot. Donc après la biostétique, après sur la grande surface, on nous dit souvent les coiffeuses que sur grande surface il y a des produits qui sont pas adaptés pour le cheveu, qui sont, il y en a, Ah oui, par oui. exemple Garnier, elle de Shoulders, oublié, vraiment. Ah, c'est vrai. Ah, bon, à savoir, pourquoi? Trop agressif? Trop agressif. Et puis de toute façon maintenant il existe des applications comme Yuka où vous pouvez scanner Oui. vos produits et voir vraiment s'il Ouais. vous convient. Après moi j'utilise voilà, j'utilise Garnier par exemple, celui qui est Fructis, lui il est vraiment je crois il est à 80%, donc il est bon, plutôt pas mal en composition. D'accord. Après oui, mais faut vraiment après tout. Oui, toi, tu as remarqué que oui, en grande surface, enfin, il y a de tout, quoi. Il y a des produits Il y a vraiment de tout, mais il peut-être faut faire attention aussi parce que comme nocifs. dans les produits professionnels, vous pouvez avoir de toute façon maintenant, moi j'utilise le scanner, donc je scanne mes produits, je regarde vraiment les compositions Ouais, parce que je prends oui. soin de mes cheveux, donc pour moi c'est assez important. Après, j'utilise aussi beaucoup de gamme. Moi j'ai un cheveu plutôt fin, mais Ouais. il y en a beaucoup en fait. Et j'ai un cheveu coloré, donc forcément je vais utiliser des produits pour cheveux fins pour pas trop alourdir. Donc des shampoings plutôt pour D'accord. volume, pour protection de la couleur. Et donc je fais mes deux shampoings, toujours deux, Ah, deux shampoings. D'accord. deux À shampoings. chaque fois. Ouais. Voilà, Donc ça veut premier dire que c'est le usage. même produit que tu fais deux fois de suite et que tu rinces entre-temps ou c'est deux Je peux. produits différents? Ça dépend. Des fois, souvent c'est deux. Des fois, j'ai envie de. Je me dis, j'ai peut-être trois, quatre shampoings. Donc, j'échange D'accord. en fait. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vais commencer par un shampoing, je sais pas, à la menthe, plutôt nettoyant. Et le deuxième, je vais Ouais. utiliser plutôt un shampoing pour la nutrition, parce que le premier shampoing, ça va permettre de D'accord. nettoyer. Et le deuxième, il va Oui. apporter où je sais, c'est Le soin comment plutôt. dire, le soin plutôt. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vois. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et est-ce que tu fais systématiquement ensuite un masque ou est-ce que tu Bien appliques sûr. systématiquement un spray? On Oui, est à chaque fois. oui, chaque fois on essaie, je Ouais. sors toujours bien les cheveux parce que faut bien toujours essorer ses cheveux pour qu'il n'y a pas de l'eau, trop de l'eau Ah, en avant fait, de faire le parce que masque? c'est ça, parce que ça sert Ah, à rien d'accord. si tout va couler, si vous n'allez pas essorer vos cheveux, bah du coup tout va couler en fait et votre produit bah il va pas rentrer à l'intérieur du cortex en fait du cheveu, donc Ah, je vois. Ok. c'est ça, Ça va donc faut glisser directement et on va c'est perdre le ça. produit. C'est ça, ça sert à rien en fait. D'accord. Donc, ça va rien apporter et vous n'allez pas avoir le résultat de toute façon. Donc, oui, Ouais. plutôt bien essorer les D'accord. cheveux et faire un petit masque ou un conditionneur. Le masque, c'est plutôt à 5 à 10 minutes, mais si vous faites un petit Ouais. ménage, vous êtes chez soi, vous pouvez laisser beaucoup plus longtemps hein, si vous avez envie. Oui. Et puis, il est bien rincé. Et Ouais. puis, conditionneur, quand vous n'avez vraiment pas le temps, ben, vous laissez 3 minutes. Et si vraiment, vraiment, vous n'avez pas le temps, Oui. vous essorez vos cheveux, enfin je sais pas, vous êtes en retard, il n'y a pas le temps pour laisser poser le C'est soin, ça ben arrive. Oui. un petit spray ou un petit crème qui sans rinçage en fait sur les longueurs et puis on sèche nos cheveux et puis voilà. Au moins c'est protégé et ça apporte Ouais. quand même une nutrition. Moins qu'un masque, mais ça va apporter quand même une nutrition. Donc voilà, les petites D'accord. astuces. Ouais, merci. Non, c'est cool. Chers Ouais. auditeurs, dites-nous si vous appliquez déjà les conseils qu'a donné Dorothea et puis si vous avez des questions, profitez-en. Alors, qui nous a rejoint? On a Steven. Salut Steven. Cassim. Bonjour Cassim. Charo et Laurie. Bonjour à tous. Alors du coup, on a vu justement Steven qui avait posé une question la dernière fois. Il se demandait comment ça se passe quand tu es en salon avec les marques que tu vends en salon. Est-ce que généralement c'est plutôt le commercial qui vient avec ce qu'il a et qui te conseille ou qui conseille à la responsable de plutôt vendre tel ou tel produit, de les mettre plus en avant sur les rayons? Ou est-ce que c'est la responsable qui appelle le commercial en disant, bon, bah, moi j'ai des clientes plutôt, je ne sais pas, aux cheveux blancs, donc j'ai besoin de tel et tel produit, qu'est-ce que vous me proposez? Dans quel sens ça se passe généralement? Alors, il y a plusieurs types de salons. En fait, ça peut être des franchises et ça peut être Ouais. aussi des salons en fait, privés, donc à son compte qui ouvrent leur salon. Oui. Donc, quant à une franchise, généralement, c'est la franchise qui impose en fait les produits. Donc, ça va être L'Oréal, Ouais. Kérastase. Par exemple, moi, je travaillais à Cheap. Oui. Ou bah c'est Vogue, tout ce qui est Vogue, Cheap, je sais plus, il y a cinq lignes, mais c'est toutes la même chose. Donc eux, ils travaillent plutôt avec tout ce qui est Kérastase et L'Oréal. Donc D'accord. eux, ils sont ses fournisseurs. Donc après, moi, j'ai travaillé aussi avec la bioesthétique. Donc après, eux, c'est libre en fait. La quoi, On pardon? peut Je connais pas. Ça la s'appelle comment? bioesthétique Paris. La bioesthétique Paris, c'était une D'accord. marque française de base. D'accord. Et du coup, après, il était racheté par les Allemands, je crois. Mais D'accord. de base, c'est une marque française. Donc oui, il y a des salons qui… C'est une marque qui s'appelle comme ça. Donc après, ça, on peut en commander dans un salon privé, par exemple, qu'on D'accord. apporte son nom. Donc on peut commander. Après, là, je travaille dans un salon privé aussi. Donc Ouais, indépendant, ouais. voilà, indépendant. Donc… On a des marques Inebria, on a des marques aussi qui… On a aussi Cristal Evo, je crois. Et on a Et du coup, tu as vu aussi… les commerciaux passer? Pas pour l'instant, mais parce que ça fait une semaine que j'ai repris en fait dans un nouveau Ah salon. oui, Donc d'accord, c'est ah c'est oui, pour c'est ça que tout je n'ai pas eu le nouveau temps. C'est là. ça. Je suis Oui. tout frais. Mais du coup, généralement, dans ces cas-là, c'est le commercial, j'imagine, qui donne des conseils, en fait, sur les produits qui fonctionnent le mieux, etc. Non, pas forcément, en fait. C'est D'accord. vraiment, c'est nous qui passons les commandes, en fait, en fonction des OK. produits, ce qu'on vend, en fait. Donc après, on D'accord. contacte le fournisseur, on fait une petite commande. Voilà, on regarde nos stocks sur la vente, nos stocks pour les colorations, tout ça. Donc quand on fait une commande, donc on essaie de tout regarder, tout ce qui est en technique pour la vente. Je sais pas s'il n'y a plus de serviettes. Enfin, voilà, donc on fait Oui, vraiment vous faites un global, tour quoi. de tout ce qui peut Voilà, c'est ça. manquer. D'accord. Et du coup, en général, c'est toujours les mêmes produits que vous reprenez parce qu'ils vous ont plu et vous les trouvez efficaces. C'est ça. Après, il y a aussi les nouveautés. Bah, du coup, on reçoit les Ouais. nouveautés et puis on voit en fonction comment ça marche par rapport à Ouais. la clientèle, si on en vend beaucoup ou pas. Donc, c'est ça. En général, j'imagine que la responsable a rencontré du coup ou a découvert une marque. Il y a une sorte de contrat peut-être pour qu'il y ait un partenariat avec cette marque. Et ensuite, c'est elle et c'est vous, l'équipe, qui décidez des produits que vous référencez dans la marque, quoi. Bah, on regarde ce qu'on a sur la vente, combien, oui, si on en vend bien ou pas, et si ça marche vraiment, en fait. Donc, moi, je sais Oui. que nous, quand on travaillait en Cheap, nous, on recevait, quand il y avait des nouveaux produits, on avait la petite brochure qui expliquait le fonctionnement, comment ça s'applique, je sais pas, la cure. Donc, tout est expliqué, Ah en fait. oui. Donc, on va pas avoir une formation vraiment pour ça. Donc, Ouais, je après, il y en vois. a qui imposent une formation, oui. Ah oui, quand c'est vraiment très innovant et qu'il y a une technique associée, tout ça, quoi. C'est ça, oui. Et Cheap, comme tu disais, c'est un réseau de franchises. Donc là, dans ce cas-là, c'est le siège qui réfléchit à la gamme et au merchandising aussi des produits, à la façon dont il faut les disposer pour que ça attire plus l'œil et tout ça. Donc là, oui, Bien sûr. vous avez peut-être moins votre mot à dire, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, quand c'est une franchise, en fait, faut suivre des règles, en fait. Ce qu'on nous Oui. impose, en fait. Donc, par rapport Ouais, pour qu'il y ait une cohérence, etc. voilà, c'est ça. Même la manière de proposer des produits. Donc, c'est tout est… Enfin, c'est des petites phrases, des petits mots, des petites… Donc, c'est tout est… faut respecter ça, en fait. Ouais, je vois. Ouais, c'est sûr. Oui, il y a un jargon un peu. Il y a C'est ça. des phrases de vente pures, etc. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous faire rire? Là, c'est les questions un peu type de beauté imaginée que je pose à chaque fois. Est-ce que tu aurais une grosse gaffe cosmétique ou en coiffure, pourquoi pas, que tu aurais faite peut-être à tes débuts, un produit de beauté ou de coiffure que tu aurais mal utilisé peut-être? Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote comme ça? Pour la coiffure, oh là là, peut-être, je sais, franchement, moi, j'ai eu des, comme tout le monde, j'ai eu des coups, hein, j'ai eu des ratés, hein, bien sûr, hein. J'ai eu des Ouais. ratés des coupes, donc ça, c'est D'accord. normal, Oui. mais c'est des débuts, quoi, parce que moi, j'ai... Quand on est sapé, souvent on travaille que sur les modèles, mais pas sur la clientèle. Mais ça dépend des patrons, bien Oui. sûr, et des maîtres. D'accord. Moi, j'ai commencé à prendre ma main en fait vraiment en BP en fait. On m'a D'accord. mis vraiment sur la clientèle, donc j'en ai fait des. Après, j'ai pas Est-ce que trop tu as le de. souvenir d'une personne qui vraiment t'a regardé en mode mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah bah j'ai fait chialer une fois. Ah, bah Vraiment. alors raconte-nous, c'est-à-dire. Mais déjà, mais c'était une foule. C'était une foule. C'était une journée, mais vraiment pourrie, pourrie. C'était la pure. Je D'accord. me souviendrai de toute Ah oui. ma vie. Il pleuvait, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, on était à D'accord. Chypre, c'est sans rendez-vous. Donc, Ah. c'est chacun son tour. Donc, c'est vraiment la chaîne, quoi. C'est vraiment la chaîne. Oui. Et moi j'étais trop en stress et puis on m'a mis Vimy, une cliente, elle était avec 2 enfants, elle était pas, enfin je sais pas, elle était très vite vite vite, Stressé. oui, Ouais. elle me stressait, ben, Ah limite il faut oui. qu'en 20 minutes je fasse sa coupe quoi et son shampoing quoi D'accord. limite, donc elle me pressait, elle avait 2 enfants, oui il faut que je me dépêche, ta ta ta. Bah, je fais sa coupe, on a tout vu, et puis bah là je le sèche, et puis non, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Enfin, franchement, j'ai pas raté, hein. C'était Enfin, trop court. c'était D'accord. trop court en fait. J'ai trop, Ah enfin, j'ai coupé oui. un peu plus court qu'il avait en fait, enfin D'accord. qu'elle souhaitait. Mais du coup, Et j'ai même pas pu enlever la masse, j'ai pas pu déstructurer. Elle était là, bah, elle commençait à pleurer en fait, et en plus, oh là elle là. avait un enterrement, je crois. Elle me racontait ça, D'accord. et Ah mais oui, du donc là, coup, c'était très gênant. c'était très gênant, et puis tout le monde regardait, enfin, c'était plein, le Ah salon, il oui. était plein, et moi, Ah ouais, donc il y ça avait m'a coûté un beaucoup de peine, quoi. public. Bah Bah, oui, ça me faisait beaucoup de peine j'imagine. qu'elle s'est mise à pleurer. Enfin, Ouais. c'est pas que j'étais pas dégoûtée. Pour moi, c'était pas un raté. C'est plus, Oui. enfin voilà. Humainement, C'est les c'était comment. quelqu'un Ouais, qui c'est était un ça. peu stressé, tout ça. Ouais, je vois. Mais le fait de couper trop court, de toute façon, ça doit assez souvent arrivé, non, que les clientes finalement regrettent d'avoir demandé la longueur. Ah bah ma phrase tout le temps. Vaut mieux couper moins Oui, que de trop, voilà. parce qu'après on pourrait pas recoller. Donc Ouais, depuis, c'est sûr. franchement, je me dis, Ouais. je vais couper moi. S'il faut, on pourra toujours recouper. Donc pour moi, bon, Ouais, c'est voilà. Donc continue. Ah, pour c'est ta moi, philosophie pour pas prendre de c'est ça, risques. c'est ça. Bah c'est normal Ouais, parce que bon, quand heureusement, ça repousse quand même, mais c'est sûr que c'est très important quoi, pour les gens. Le cheveu, la coupe, ça fait tout, quoi. Enfin, Ah bah je bien sûr. comprends que Ah les bah gens puissent se surtout pour stresser. une Donc, femme. Surtout pour une femme, c'est ouais, très oui, important tu une sens coupe. que. Ah, Donc moi j'étais un peu ouais. dégoûtée, mais bon, c'est du passé. On apprend Ouais, t'as raison. On avec apprend les toujours situations, de quoi. nos C'est ça. erreurs. Et puis, il faut relativiser. Il n'y a pas mort d'homme, mais ça doit être très stressant quand tu as tous les regards sur toi, en effet. On a Juliette qui veut intervenir. Salut, Ah bah Juliette. c'est une très bonne phrase, je suis d'accord avec toi, parce que moi la plupart des coiffeurs me coupaient trop justement. Ah, ouais. Moi, en vrai, ça me fait Et. la peine quand les filles ils arrivent avec les cheveux super longs et ils me disent, bah, je veux couper un Oui. carré. Franchement, ça me fait beaucoup de Ah, peine. oui. Ah bah alors justement c'est ce que j'allais te dire moi en général quand je vais chez le coiffeur j'ai plutôt l'impression que si on a une bonne longueur et qu'on leur demande simplement les pointes il y a une petite frustration dans le regard de la coiffeuse qui aurait aimé pourquoi pas carrément relooker et tout mais toi tu trouves quand même que c'est sympa aussi de coiffer une longue chevelure? Ah oui. J'adore, moi j'adore, hein. Franchement, Ah, d'accord. le cheveu long, moi j'adore. Après, j'aime bien couper, Pour les enfin, couleurs après, aussi. j'aime bien faire les coupes tronçons, comme je disais, j'aime bien transformer, mais après, si Oui. vraiment je vois l'état de cheveux, enfin, je sais pas, que c'est Oui. vraiment, il faut faire quelque chose, bah oui, enfin, après, je sais pas trop d'insister non plus, parce que quand on sait pas trop, je dis, bon, bah, on va pas trop couper, enfin, quand la personne est On prend lisible, pas je de vais pas risque. trop, voilà, Ouais, oui. Elle je risque vais de dire, on regretter va couper. après. C'est ça, on va couper un peu moins. Si vraiment c'est encore long, on pourra toujours couper. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vraiment Ta façon de ma petite faire. phrase. Voilà, c'est ça. Ouais. On a Steven et Astrée qui ont un commentaire. Salut, je suis un. Du Salut coup, je Steven. suis un homme et moi aussi j'ai ce problème-là, c'est que j'aime bien les cheveux un peu longs, pas trop courts sur les côtés et Ah. tout ça. Et Ouais. souvent, les coiffeuses me coupent bien plus court que ce que je voudrais. Ah, dur, Un peu ouais, dur abîmé. d'expliquer au millimètre près en plus pour une coupe homme, C'est c'est pas ça. évident de dire exactement ce qu'on attend. En fait, j'imagine, oui, ça dépend si c'est au ciseau ou à la tondeuse, parce que si c'est à la tondeuse, on peut toujours apprendre par cœur le numéro, le nombre de millimètres, et au moins ça sera un peu toujours pareil. Mais au Bah ciseau, nous, c'est un peu plus compliqué, quoi. bah, au ciseau, non, forcément, parce que nous, on apprend tout. La coupe homme, on apprend au ciseau. Donc, moi, je suis plutôt à D'accord. l'aise avec la tondeuse. Oui, D'accord. bien sûr, c'est plus facile. T'en passes une fois, enfin, c'est beaucoup plus vite et beaucoup plus simple. Mais Oui. comme il y a des hommes, il y en a beaucoup des hommes qui n'aiment pas trop se faire couper les Laissez cheveux tondeuse. à tondeuse, Ah qui veulent oui. juste un petit contour. Ou, enfin, voilà, ça, c'est, on peut faire juste au D'accord. ciseau. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce qui est bien, dans mon salon, là où je travaille, ils écrivent les numéros de sabots Ah oui. pour les clients, oui, dans les commentaires. Donc, comme ça, on sait Ah, sur la fiche comment est-ce client. qu'on s'habitue. Voilà, c'est ça. Donc, comme ça, on sait Ah ouais. Ses comment, parce que habitudes. enfin, même pour les hommes, c'est beaucoup, enfin, c'est pas facile d'expliquer comment ils veulent vraiment, hein, pas Ouais, à c'est brun, vrai. à blanc. Après, s'il dit à blanc, le plus petit, oh, d'accord, là, c'est un dégradé américain, donc on peut y aller, quoi. Ça, il n'y a pas de D'accord. souci. Plus court c'est, Ok. plus court c'est, plus c'est mieux. Mais quand il y a des coupes, D'accord. ouais, donc, Entre c'est deux, ça. oui, c'est pas évident de jauger. Et Astrée, salut Oui, je suis Astrée. d'accord, j'ai plutôt cet avis aussi. D'habitude, on a envie de tout couper. Alors peut-être que j'ai des cheveux moches, C'est notre métier coupé, hein. C'est pas intéressant de couper un petit centimètre, hein. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et est-ce que tu pourrais nous dire ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? Mon produit, bah, j'utilise. Là, en ce moment, j'utilise la marque Niki Paris. La quoi, Mais là, pardon? j'ai trouvé Niki Paris. Niki Paris? Je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Non, oui, c'est ça. Niki Paris, c'est une marque française aussi. Il y a D'accord. beaucoup des influenceuses qui partagent. Ça, mais ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. Moi, j'en ai pris. Donc, franchement, j'ai des cheveux très, très doux. Qu'est-ce que c'est comme produit? Alors, c'est une gamme pour volume au collagène. Ah, Donc, après, il y a tout un d'accord. site internet où il y a plusieurs gammes pour cheveux secs, pour cheveux sensibilisés, pour cheveux blancs. Donc, pour chaque type de cheveux. Je crois même une gamme à bave de l'escargot, un truc comme ça, je crois, oui. Donc, vraiment D'accord. pour les cuirs chevelus sensibilisés. Donc, pour ça, chaque type de cheveux. Après, j'aime beaucoup les marques aussi coréennes. Moi, je trouve qu'ils sont top. Ah. Vraiment, oui. Moi, j'en ai acheté. Je n'ai pas vu en France, mais là, j'en ai emmené un. En petite, j'ai pas pu emmener parce que c'était 500 millilitres. Parce Ah qu'en oui, d'accord. Lituanie, ouais, il y a beaucoup de marques en Russie, ils utilisent beaucoup les produits coréens, même pour le visage et pour D'accord. les cheveux. Et moi, je trouve vraiment les produits coréens, ils sont bien quand même. Après, C'est ouais. la marque. C'est drôle que tu évoques tout ce qui est produits cosmétiques coréens parce que c'est mon prochain thème la semaine prochaine avec Julie, le dimanche 4 juillet. On parlera justement des tendances cosmétiques venues d'Asie et notamment de la technique du layering. Bon, donc j'en reparlerai encore. Ah Oh conclusion, bah c'est mais trop ça bien, fait super. une parfaite conclusion, parfaite transition, pardon. Et donc oui, ça, c'est des produits que t'aimes bien, du coup. Oui, bah oui, ils ont des innovations hein, parce que j'ai une amie qui son compagne, elle est coréen, donc elle est beaucoup, elle connaît beaucoup. Et Ouais. moi, j'en ai acheté un conditionneur coréen et franchement, c'est vraiment top. J'ai vraiment pas besoin de faire un brushing, ils D'accord. se mettent vraiment, ils sont super doux. Franchement, moi, j'adore. Ah ouais. Ah. Bon à savoir. Bah, tu me montreras, on le postera sur Instagram si ça intéresse des auditeurs de tester ce produit-ci, ton produit incontournable pour les cheveux. Et nous passons maintenant à ma rubrique préférée, la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté nos invités. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Alors ce soir, avec Dorothea, on a trois caractéristiques à vous faire deviner. Son âge, son style de musique préféré et son sport préféré. Dites-nous ce que vous en pensez. Qui nous écoute à l'heure actuelle pour peut-être participer et imaginer ma belle invitée? Donc on a Juliette, Sophie, Léa, Jules, Claire, Astrid, Cricri, Steven, Charo, Laurie et Blaise. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Coupe la musique, c'était pour mettre un peu de suspense. Alors, Ambiance. Astrée. Il y a une petite musique derrière, bah, comme on entend là. Je sais pas si c'est fait exprès. Oui, c'était fait exprès pour la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Alors, Juliette. Alice, je sais pas si c'est mon téléphone, mais la musique est très très forte. Son âge, je Décidément. dirais 28 ans. Et mince, je me rappelle plus des autres questions. Alors, il faut deviner l'âge d'Orophéa, également son style de musique préféré et son sport préféré, Astrée. Alice, tu peux répéter ce qu'on doit deviner, s'il te plaît? Ah bah décidément. Ah, toi, tu m'entendais bien avec la musique d'Orophéa ou tu m'entendais pas trop non plus? Bah, un petit peu, oui, je t'entendais bien, mais C'est dommage, on ne peut oui. pas changer le volume. Ah, C'est ça, décidément, c'est je ne dommage. maîtrise pas cette fonctionnalité pour le moment. C'est en général pas très optimal. Steven! J'ai pas tout entendu, j'ai l'impression que la musique était un peu forte. Je pense Astrée. qu'elle a 26 ans. On a 28 ans, 26 ans. Vous devez également, s'il vous plaît, deviner le style de musique préféré de Dorothea et son sport préféré aussi. Léa? Moi, j'aurais dit entre 25 et 30 ans. Je me mouille pas trop. J'avoue, Ah bah large dis donc. fourchette. En général, toi, Dorothea, tu fais plus dans la vie ou tu fais moins? On me le dit souvent que je fais plus, mais pas autant. T'es vexée là, Juliette? Alors merci pour l'arrêt de la musique. Je dirais de la pop. Un truc, comment dire, qui fait pas mal aux oreilles comme ta musique. Pardon. De la pop pour Juliette, Steven. Moi, je pense aussi qu'elle a 28 ans. Je pense que son style de musique préféré, c'est l'indie folk. Et Précis. j'ai déjà oublié ce que c'était la dernière question, désolé. Le sport préféré, Blaise. Bonsoir les filles, excusez-moi, on avait une Bonsoir. question un peu bête. Qu'est-ce que la beauté? Ouh, ça c'est très très large, Blaise, comme question, mais si je peux juste donner un élément de réponse, dans Beauté Imaginée, tous les invités ont leur beauté et leur approche de la beauté, et c'est à ça qu'on s'intéresse. Au fait que finalement, c'est totalement subjectif aussi. On peut nous montrer pas mal de stéréotypes dans les médias, etc. Mais ici, le but, c'est de raconter notre approche de la beauté, sachant qu'on ne se voit pas. Donc là, on n'a pas tous les a priori qu'on peut avoir. Il n'y a que la voix qui nous aide à échanger et à nous laisser porter sur ce sujet. Claire? Je pense que tu as 27 ans. 27. Ça va, Dorothea, tu es encore parmi nous, tu n'es pas trop vexée. Non, non, ça va. J'ai envie de dire que ce soir, c'est nous la beauté, hein. Je voulais rajouter. Hein. Ouais, t'as raison, t'as C'est tout le raison. monde qui nous écoute. Et on va dire de la danse ou de la fitness, quelque chose comme ça. Claire. Je pense que tu aimes la boxe. Ah, la boxe, Léa. Moi, je pense que Dorothea écoute un petit peu tous les styles de musique. D'accord, Alors moi, je Sophie. dirais 30 ans. Pour le style de musique, je dirais pop rock. Et pour le sport préféré, je dirais yoga. C'est Ah, drôle, pas hein, mal. on est assez éloigné. J'ai hâte de la révélation, Steven. Du coup, le sport préféré, fitness globalement ou alors CrossFit, ça va un peu ensemble. Astrée, hey, Je tu as pense inspiré beaucoup de qu'elle gens. écoute du métal. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine bien. Ah, métal pour Astrée. Claire? Pour la musique, je dirais du métal. Claire aussi, Léa. Sport préféré, j'aurais dit la danse. Je la vois bien, savoir bien danser. Et Astrée, Bon, je enfin. vole un peu l'idée de Léa, mais je dirais du hip-hop, pourquoi pas, pour préciser un peu. Tu vois, c'est, je pense que celles qui ont peut-être déjà vu ton Instagram la dernière fois dans le live tatouage ont Ils ont un tout proposé petit peu cramé, métal. oui. Ouais, c'est possible. Mais Un tout petit spontanément, peu. avec ta voix, tu vois ce qui est proposé, c'est yoga, danse, etc. Alors, révélation d'Orofea, dis-nous tout. Alors, mon âge, j'ai 22 ans. 22 ans. Voilà. Bon, tu avais l'air très mature et tu parlais de ton expérience vraiment de façon tellement à l'aise que les auditeurs se sont dit que tu avais une sacrée expérience derrière toi. 22 ans. Voilà, pour l'instant j'ai 22 ans, la trentaine, enfin, je veux pas dire que c'est pas un âge, hein, mais on est très loin. Hein, Oui, ça va, t'es enfin. encore en effet assez loin. Oui. Alors, pour ma musique préférée, alors effectivement, c'est du métal. C'est vraiment du. Et pas que métal, mais vraiment tout ce qui est autour, en fait. Du hard rock, Ah ouais. du black metal, genre vraiment dans ça. Et j'aime bien le rave music. Boom boom, toots toots. Ça, D'accord. c'est Ouais, en tout ce qui effet. est bien fort, j'adore, en fait. Qui permet de se défouler un maximum. C'est ça. Et Et pour. dans le même esprit, ouais, le sport préféré alors? C'est du kickboxing. Et après, je fais la danse aussi. Ça, c'est vrai. Mais j'ai fait du coup D'accord. du kickboxing. Et la muscu, quoi. Vraiment, quand j'ai le temps, des fois. Là, ça fait un petit moment que je suis pas allée à D'accord. la salle, mais voilà. Oui. Donc, le sport un peu dur, quoi. Ouais. Eh bah, on a eu des deux extrêmes dans les propositions. C'est ça qui est vraiment marrant avec cette rubrique, vu qu'on n'entend que la Mais voix, on ne sait pas trop. yoga, je trouve Ouais, ça alors là, sympa en le... tout Ouais. Oui, c'est un autre extrême, mais c'est vrai que tous les sports apportent des choses différentes, en fait. Toi, tu aimes donc te défouler et en même temps, C'est la ça. relaxation, etc. C'est ça. Qu'en pensent Steven et Juliette? J'étais à des années-lumière avec mon Indie Folk, en fait. Ouais, c'était pas tout à fait ça. Bon, après, tu me disais que tu aimes tous les styles de toute façon, mais ça, c'est ton Oui, préféré, quoi. je suis mélomane, quoi, j'écoute de tout. J'écoute du rap, du hip-hop, de danse, de musique classique. Mais le Ouais. préféré, qui est plus proche, pour moi, c'est vraiment du métal vraiment, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Oh, c'est cool, c'est cool. Juliette? Bah c'est drôle, c'était tout l'inverse de ce que j'imaginais. Oui. Et pour l'âge, oui, c'est vrai que tu fais assez posé, donc au final, c'est même pas un truc négatif. Pour Non, moi, c'est c'est que vrai, t'as c'est l'air plutôt assez un mature. compliment. Non, mais ça fait plaisir quand même. Enfin, Bah oui. ça fait plaisir, oui. Alors, du coup, ah, je crois qu'on a une autre Un petit message. intervention. Astrée. Mais quelle que soit la question, t'es à côté de la plaque, Juliette. Ça, c'est. Pauvre Juliette. Elle permet aux autres de ne pas rougir quand ils se trompent. Merci, Juliette. Grâce à toi, tout le monde ose participer. Eh bien, justement, c'est le moment, Juliette, de nous montrer tes talents et Dorothea aussi, puisqu'on passe au quiz vrai-faux. J'ai bien sûr posté sur Instagram ta photo mystérieuse ainsi que la photo de ta salle de bain. Tu peux peut-être maintenant d'ailleurs nous révéler ton Instagram. Oui, bah, je vais l'accrocher là tout de suite dans mon petit profil de Ouais, stéréo. d'accord. Et du coup, pour l'instant, j'introduis le quiz vrai-faux. Donc, chers auditeurs, vous le savez, on va tester un peu nos connaissances, vos connaissances, celles de ma belle invitée aussi, sur le sujet, en l'occurrence la coiffure. Bien sûr, Dorothea est une professionnelle de la coiffure, donc tu sais plein de choses, Dorothea, notamment au niveau de la pratique, la création, etc. Mais on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Et en plus, moi, j'aime bien mettre des petits pièges. Avant de se lancer, on a C'est Juliette qui évidemment pour permettre aux intervient. autres de mieux briller, parce que je sais tout sur tout, tu sais bien. C'est joli ça comme phrase, Juliette. Ce soir, j'ai 8 questions de vrai-faux à vous proposer. Dorothea, tu espères avoir quelle note, toi? Ah ben, j'aimerais bien répondre à tout, mais je pense qu'on va rigoler aussi un peu. Peut-être je vais avoir zéro, hein, mais... mais si déjà c'est il y a 4-5, je serais déjà contente. Hein. D'accord, ok. Et idéalement, tout. On l'a compris, Voilà. la perfection serait pas mal quand même. Chers auditeurs, n'hésitez pas à participer, hein, c'est toujours plus rigolo quand vous êtes là avec nous. Alors, on se lance. Dorothea, la vraie différence entre un savon et un shampoing solide, c'est la quantité d'agents moussants dans le produit. Est-ce que selon toi, c'est vrai ou faux? Alors, le shampoing solide et un shampoing, c'était quoi? Entre le savon, un pain de Oui, savon, savon, oui. voilà, et un Oui. shampoing solide, qui visuellement peuvent beaucoup se ressembler. La vraie différence, ce serait la quantité d'agents moussants dedans. Oui. Moi, je pense. Oui, c'est vrai, oui. Bon, j'espère, hein. Donc, il y aurait plus d'agents moussants dans lequel pour toi? Bah, dans le liquide, enfin dans le solide, quoi. Enfin... Dans le savon ou dans le shampoing? Dans le shampoing, oui. Ouais, d'accord. Dans le shampoing solide plutôt que dans le savon. Alors, est-ce que Juliette est d'accord avec toi? Je dirais vrai pour ce premier truc. Donc, elle est d'accord avec toi. Est-ce que Astrée est d'accord avec Je pense vous? que c'est plutôt faux. Pour Astrée, c'est pas la Pas sûr, hein. différence majeure. Claire? Je pense que c'est faux. Ah, Claire est d'accord avec vous également. Eh bien, je suis navrée, tu n'auras pas 8 sur 8, Dorothea. Ah bah. C'est pas la différence majeure. La différence majeure, en fait, c'est au niveau du pH du produit. Parce que Bah, pour bien un sûr. shampoing solide, le pH est autour de 6-7, parce que c'est le pH qu'a le cheveu, en l'occurrence, donc il faut que ce soit compatible pour ne pas l'abîmer, etc. Alors que pour un savon qui, lui, s'adresse à la peau et qui doit donc un peu, enfin, nettoyer et retirer bien sûr tout ce qui est bactéries et tout ça. Là, le pH va plutôt être autour de 8-10 apparemment. Donc, si on utilise un savon sur des cheveux, ça va déséquilibrer le pH des cheveux et les rendre rêches. Et d'ailleurs, pour info, le cuir chevelu, lui, a un pH de 5,5, comme la peau finalement. Oui, c'est ça. Donc, c'est considéré comme acide. Voilà, donc après, il y a aussi une différence au niveau des agents moussants. Hein. C'est vrai que souvent, comme tu disais, le shampoing, ça mousse plus et tout. Mais apparemment, la vraie différence, c'est au niveau du pH, pour être bien compatible. Bah, c'est vrai, je suis d'accord. Enfin, c'est des cours que j'ai fait il y a très Oui. longtemps, donc Bah après, c'est ouais, vrai, ouais. Bah, pH, ouais, oui, c'est vrai. Ouais, pour le pH, c'est tout à fait. ouais. Bon, Ouais, c'est bah, c'est... le. La différence. Mais comme pour reprendre la phrase de Juliette, ça permet de mieux briller ensuite, de se tromper d'abord. Ça, c'est Qu'en sûr. pense Claire? Je pense comment que quand les labos font des shampoings, ils font attention aux yeux parce que Ah. si les shampoings sont mal équilibrés, ça peut trop piquer les yeux, ce qui est gênant. Vu que les yeux sont près des cheveux. Bien vu Claire. C'est vrai qu'au niveau du pH, apparemment, les pH de tout ce qui est DOP, pour pas que ça pique les yeux, sont un peu différents des pH de shampoing classique. Pour cette raison-là, justement, je crois qu'ils sont un peu plus acides encore, les pH des shampoings DOP qui peuvent ne pas piquer les yeux. Donc ouais, bien vu, ça doit être largement pris en compte. On passe à la deuxième affirmation. Les femmes viennent de plus en plus souvent dans les salons de coiffure. Je répète, les femmes viennent de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement dans les salons de coiffure. Vrai ou faux, Dorothea? Si on vit actuellement, ben Oui, oui, je là, pense au cours des dernières années. oui, moi je dirais oui. Tu penses que c'est vrai? Elles viennent de plus en Moi, plus souvent. bah, moi je sais parce qu'il y a des clientes. Après, ça dépend des coiffeurs, hein, mais Oui. il y a des coiffeurs parce qu'on peut être vite dégoûté d'un coiffeur. Hein. Ah oui. Mais il y a des clientes qui peuvent venir bah, tous les 2, 3 mois, quoi. Après, imagine si tu fais une couleur, bah, ça repousse d'un centimètre. Donc, tous les mois, ils font de la couleur. Donc, moi, je pense que c'est Ouais. plutôt oui. Après, voilà, hein, pour moi. Moi, c'est un oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose, Je pense Juliette? que c'est faux. Je pense que les femmes se coupent de plus en plus les cheveux elles-mêmes. Alors, je pense pas que la Ah. proportion soit très élevée, mais à mon avis, ouais, c'est faux. Ah, c'est vrai. Est-ce que ça, tu le constates, Dorothea, que souvent des clients te disent, ah, bah là, j'ai fait moi-même pendant le confinement ou des choses comme ça? Oui, mais ils reviennent parce qu'ils font n'importe quoi souvent. Donc, c'est rattrapé. Oui. Donc, En tout cas, celles que tu vois, c'est celles qui ont fait n'importe quoi. Peut-être que celles que tu vois pas, c'est celles pour qui ça se passe très bien. bah, franchement, Par certaines non, définition. certaines non, mais des Oui. fois, c'est tu te dis, mais Oh franchement, là pourquoi le là. faire? Ouais, Des fois, bah c'est ouais. vraiment pas grand-chose. Vraiment, j'essaie toujours rassurer la cliente. Oui. Moi, je suis pas quelqu'un, non, mais en fait, c'est n'importe quoi. Je vais toujours essayer de. Ben non, Oui. mais en Tu vas pas fait, c'est l'enfoncer. pas. Voilà, c'est pas très grave. On va regarder, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je Il y a suis que au deux petits contraire. trous. Ouais. C'est ça. Une grosse barrette et Ouais, le tour est joué. c'est ça. Ouais. Non, mais Oui, mais c'est sûr que ça peut. On peut faire n'importe quoi, quoi. Ouais. Je sais que j'avais quand j'étais enfant, j'avais apparemment voulu faire une frange à ma petite sœur et. Du coup, elle avait eu un gros trou au-dessus du front. J'avais 4 ans pour ma défense. Du coup, est-ce que Sophie est d'accord avec toi? Moi, je dirais faux. Je vais avoir zéro Alors. aujourd'hui. Hein. On Pourtant, va je suis voir. coiffeuse, mais bon. Mais comme je disais, ça ne met pas du tout, ça ne remet pas du tout en question, hein, tes compétences techniques. Et là, on est sur des Mais choses oui, un peu non, mais éloignées. je rigole, hein, je rigole, mais c'est Tu pas. ressortiras de là en te disant, bon, bah, on me donne 30 ans et j'ai eu tout faux au quiz. Génial. Voilà, c'est bien. Je retourne sur le stéréo russe direct. Alors, Claire. Je pense que c'est vrai. Donc, Claire est d'accord avec toi. Je pense que Astrée. c'est Oh là plutôt vrai. Non, faux. là. Astrée, elle est toujours. Steven? Oui, Astrée, elle a du Liquide. mal. Je C'est pense que ça. c'est plutôt vrai aussi. Je prends pour exemple ma mère qui n'aime pas aller chez le coiffeur. Et bah là, elle Ouais. y allait. Donc voilà, c'est pas la référence, mais peut-être que c'est un indice. Alors, c'est parti pour la révélation. En fait, j'ai déjà, pour que vous sachiez, je me suis intéressée à cette statistique parce que l'auditrice Cricri, toujours, se posait cette question-là au dernier live. Elle se demandait s'il y avait en fait plus d'hommes ou plus de femmes dans les salons de coiffure. Et ça, malheureusement, je n'ai pas trouvé les chiffres globaux. Et donc, la seule info que j'ai trouvée chiffrée, c'est le fait que les femmes, ces dernières années, se rendent apparemment moins dans les salons de coiffure, de moins en moins. Donc, navré, c'était faux, Dorothea. Les femmes, apparemment, voilà, ne vont pas de plus en plus dans les salons de coiffure, mais ils vont de moins en moins parce que les prix auraient plutôt augmenté. Par rapport à leur Alors, prix, voilà. peut-être, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, elles sont obligées d'espacer un petit peu plus. Elles s'y rendaient en moyenne, apparemment, en 2014, 6 fois par an. Et en 2018, par exemple, elles ne s'y rendaient que 4,4 fois par an. Donc voilà, c'est le chiffre que j'ai trouvé qui montre qu'il y aurait une tendance plutôt à la baisse. Après, en effet, je n'ai pas les chiffres au niveau confinement. Peut-être que là, ça a complètement basculé. L'info aussi, c'est qu'elle dépense en moyenne 47 euros à chaque fois qu'elle se rend chez le coiffeur. Chers auditeurs, d'ailleurs, dites-nous quel est votre budget coiffure, qu'on voit un peu comment vous vous positionnez. Les hommes, de leur côté, s'y rendraient au contraire de plus en plus souvent. Ça, Entre c'est vrai. 2014 et 2018, ils s'y sont rendus 26 fois plus souvent en 4 ans. Donc, c'est une vraie clientèle à valoriser de plus en plus parce qu'ils font de plus en plus attention à leur couple, apparemment. Tu constates ça, toi, qu'est-ce que tu constates niveau homme ou femme? Tu as plus quelle clientèle en général dans tes salons? Bah là, franchement, j'avais une journée il n'y a pas longtemps, je coiffais toute la journée que des hommes en fait. Donc, Ah franchement, oui. oui. Et c'est tous les, bah oui, quand c'est bien court, c'est tous les 1, 2 mois et demi, quoi. Donc, ils reviennent C'est vrai. tous les 1 mois, 2 mois, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ouais, oui, C'est à peu près forcément, ça. c'est régulier. C'est Ouais. régulier, quoi. Donc, après, ouais, 2, 3 mois, quoi. Donc, ils reviennent. Bah, les femmes, c'est un peu ça Et aussi, mais c'est vrai que oui. c'est plutôt qu'ils font des couleurs, quoi, comme je disais, des techniques. Donc, mais oui, peut-être, oui, c'est vrai qu'ils seront de moins en moins dans les salons parce que bah, y a des tutos YouTube, on peut racheter facilement des colorations sur une grande surface ou même dans les magasins professionnels si on a C'est envie. vrai. Ouais. Donc, c'est. Enfin, quoi que je Ouais. trouve, c'est Il y a plus bête. d'autonomie. C'est ça parce que les magasins professionnels, c'est compris que pour des professionnels, mais on revend pour des gens, enfin, je sais pas, commercialement, c'est dommage, après, tant mieux, hein, enfin, mais Oui, c'est si y a oui. le... voilà, donc, mais s'il y a le cata, donc c'est à nous de rattraper, donc c'est ça, quoi, des fois, c'est un peu, c'est pas très évident, quoi. Ouais, je vois. Ouais, c'est sûr que. Bah, je sais que les esthéticiennes ont eu un peu le même phénomène avec le confinement. Pour tout ce qui est épilation, il y a eu pas mal d'abus côté rasoir, etc. Et ça, apparemment, c'est assez difficile quand même à rattraper quand on épile. Donc, oui, on peut faire un parallèle de toute façon quand il y a eu des petits. Cobaye, enfin que les clientes ont fait cobaye sur elles-mêmes, ouais. Bah, elles accourent auprès des professionnels. En même temps, c'est valorisant. Tu te dis que t'es vraiment utile et tout, quoi. Bah, c'est ça, oui. D'un côté, c'est ça, mais bon, hein, quand il arrive, il fait son déco chez elle, c'est orange, rouge, partout, Ah et tu sais oui. pas quoi faire avec ça, tu te dis, oula. Ah ouais. Que pense Ouais, Léa c'est vrai. Carbo de ça? Je crois que Léa Carbo a déjà eu une petite. Mes aventures capillaires, si tu veux nous raconter, c'est avec plaisir. Astrée! Mais c'est vrai que j'ai Je l'impression pense qu'il y a que de c'est plus Léa en Carbo. plus de gens en général, enfin femmes ou hommes, qui testent eux-mêmes de se couper les cheveux, qui se coupent les cheveux entre eux et Ah. tout. Oui, bah oui, bah oui, Ah ouais. c'est ça. Bah, c'est vrai que tout ce qui est do it yourself, c'est très très en vogue, et notamment avec les tutos et tout, ça nous incite, hein. Juliette? Moi, mon budget coiffure est de 0 euro parce que je connais quelqu'un de très doué et très gentil qui me coupe les cheveux gratuitement. Ah, sans te Il fait pas de faire pinard, de quoi. massacre. Comment? C'est sa copine ou quelqu'un de proche parce que bah, c'est bien d'avoir Ouais. quelqu'un en famille Ah bah comme oui. coiffeur Oui, c'est parce l'idéal. que voilà. Dévoué. Ouais, c'est sûr que c'est pratique. Oui, mais est-ce que la personne qui te coupe les cheveux est une professionnelle, Juliette, ou est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait rater à tout moment et dont les ciseaux pourraient riper Astrée? Moi, je pense que c'est faux. 26 fois, c'est énorme. Mais même pour moi, ils y vont moins souvent, vu ce que je viens de dire. Et toi? J'avoue. Astrée, c'est Vrai. pas un vrai faux, c'était une info. Concentre-toi, Astrée, voyons, je rigole. Léa? Oui, bah, c'était horrible. Du coup, j'avais demandé un blond polaire, enfin blanc, du coup, quasiment. Polaire. Et j'avais demandé à ce qu'on laisse les racines pour que je sois pas obligée de retourner chez le coiffeur tout le temps. Et au Ah. final, bah, elle m'a recréé des racines rousses. C'était horrible. Donc Ah voilà. là là, Mais c'est je sais pas si pitoyable. c'était de ça dont tu parlais, Alice. Non, je parlais de l'autre coiffure dégueulasse. Non, je plaisante. J'avais pas plus le détail en tête, Léa Carbo. Merci de ce témoignage. Il vaut mieux rire hein, de tout ça. Si vous avez des sales anecdotes qui vous sont arrivées, je pense que ça nous, on a tous en tête quelque chose. Toi, Dorothea, tu as déjà subi une coupe ratée ou une couleur qui ne t'allait pas? Non, parce que bah, c'est mes collègues qui me... Ah non, une collègue à moi, elle m'avait brûlé les cheveux. Ouf, ah, comme C'était quoi. super, Oui. hein. Mais j'avais trop... enfin, j'en faisais des couleurs bah, tous les mois, quoi. Donc, vu que j'ai un cheveu fin, bah, j'ai décoloré, du coup, bah, ça pétait. Ça L'été, veut dire j'étais quoi? plus déco. Ils Bah, se le sont cheveu, cassés? il est parti, oui, il est parti, en fait. Il s'est Ils cassé, sont quoi. tombés. Oui. Tous? Non, non, que vraiment sur. Déjà, j'avais les cheveux courts en fait à l'époque. J'avais la coupe à la garçonne. Ouais, Donc c'était vraiment la mèche. d'accord. Mais après, elle m'avait fait un peu en biais et m'avait recoupé parce que bah, ça tombait. Hein, donc il fallait faire quelque chose. D'accord. Et j'ai regretté. Et puis bah, depuis, je laisse pousser mes cheveux. Je fais que des petits balayages un peu tous les 4-5 mois, quoi. Vraiment, parce que j'ai D'accord. envie de me. Des choses Mais plus oui. douces. Plus douce parce que mais D'accord. après là c'était vraiment trop en fait j'en avais trop de couleurs après c'est normal donc c'était de ma faute Ah oui. et Oui, le cheveu n'en peut plus, quoi. bah c'est ça donc au bout d'un moment le cheveu il tient il tient il tient et au bout d'un moment bah surtout quand on décolore même Ouais. faut toujours faire une mèche test pour voir si le cheveu il peut se Ah. casser de rien quoi oui c'est important. Ah oui, Donc je vois. imaginons, toute la D'accord. tête elle est décolorée et puis bah si ça casse, bah ça va être super pour la cliente. Après, il y en a beaucoup de Ah clients bah qui disent oui. bah c'est pas grave si ça tombe. Ah bon? Ah, c'est vrai qu'ils sont prêts à prendre le risque. Bah c'est ça, je suis prête, ils sont prêts à faire le risque et puis quand ça tombe, bah pourtant vous avez Tant pis. prévenu, hein. Ah bah Vous ouais. avez Ah, prévenu mais donc. j'avais pas réalisé que ça pouvait carrément tomber. Donc parfois, il y a des petites mèches qui peuvent ne pas supporter, quoi. Ah bah non, non, ça peut vraiment devenir vraiment une élastique et puis là, c'est que rasé. Ah, Faut vraiment, d'accord. franchement, l'état, Ah ouais. Oh là là. n'y a Ah rien non, à faire que de c'est. couper, hein. Il n'y a rien à faire que Ah de ouais, couper, d'accord. quoi. Donc, faites attention Ah, les c'est. filles et les Oui, c'est garçons. clair. Faites pas trop de colo, de déco après. Donc, soit vous faites déco, soit Oui. vous faites des couleurs, mais amusez pas avec vos cheveux parce que ils peuvent tomber hein, très Oui. facilement. Voilà. Ah là là. Tu entends les carbo, hein? Il faut quand même faire attention si tu fais Ah bah c'est d'autres sûr. expériences. Non, je plaisante. Je la taquine, la Oui, pauvre. Parce qu'après, ce qui est pénible, c'est que quand on a une certaine longueur et qu'on veut revenir, enfin, rattraper un peu sa couleur, etc., c'est un long parcours hein, pour regagner sa couleur naturelle sur la longueur. bien sûr, parce que bah la couleur, elle va jamais partir. Dès qu'on fait une Bah couleur, en oui. fait, ça va rester dans le cheveu, ça va s'éclaircir, ça va se délaver, mais ça va jamais Ouais. partir. Donc, Ouais. c'est vraiment au niveau du cortex, en fait, dans le cheveu. Donc, ça va Ouais. s'éclaircir, oui, mais ça va jamais partir, en fait. Donc, la couleur, elle va rester sur les longueurs, en fait. La racine, elle va pousser, oui, mais Ouais. donc, voilà. C'est ça, Ouais, je vois. l'inconvénient, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, jouer les prochains commentaires? On a Bien Steven sûr, qui oui. veut. Merci. Ça, Steven. Actuellement, mon budget est de 10 euros et je me Ah. coupe les cheveux tous les. La dernière fois que je me suis coupé les cheveux, ça faisait 6 mois que je les avais. Donc j'attends D'accord. vraiment le dernier moment. Voilà. D'accord. Oui, bah, j'en connais des hommes qui laissent aller. Et puis Ouais. après, il vient et puis c'est un plaisir pour nous, faut leur couper les cheveux D'accord. C'est Oui, vous préférez, oui, quand il y a ça dépend. une Après, grande quand quantité. après si on est trop débordé, s'il y a une personne, enfin par exemple, si tout à la tondeuse, enfin il y a vraiment des hommes qui sont en limite chauves presque, donc il y a rien à faire, c'est Ah tout oui. froid à 1000 mètres. Ouais. Et puis voilà, donc c'est 10 minutes quand même pas. Donc pour les hommes, on met moins de temps que pour les femmes, souvent. Ouais, Après, ça dépend. Si c'est un d'accord. dégradé ou si c'est une coupe très compliquée, bien sûr, on va prendre notre temps, mais généralement, les hommes, on fait en 20, une demi-heure, quoi. S'il y a une barbe aussi, donc c'est ça. Donc on met moins de temps pour les hommes, quoi. D'accord, ouais. Juliette. Effectivement, c'est ma sœur. Elle m'a déjà fait des foirées quand elle était petite. Mais Ah. sinon, non, non, maintenant, elle se loupe jamais. Et c'est pas son métier. Non, non, non. Ah, Ah bah comme quoi, elle est oui. juste dévouée. C'est sûr que c'est le plus pratique, ça, quand on peut avoir quelqu'un à domicile facilement, même en confinement. C'est ça. Alors. Un jour, j'ai eu une crise de fou rire Ah. chez le coiffeur à la fin. Oui. Parce que comme j'ai les cheveux très frisés, la coiffeuse avait voulu me faire une frange lisse. Ouais. Donc c'était très étrange. Et du coup, D'accord. j'avais du mal à retenir mon rire. Bah, c'est mieux que de pleurer. Dorothée, tu Oui. préfères avoir une cliente qui rigole, j'imagine. Ah bah franchement, je ne sais pas si c'est un rire un peu psychopathe. Enfin, je ne sais pas si c'est Oui, quoi. nerveux, trop nerveux. Nerveux, oui, je ne Ouais. sais pas quoi. Franchement, moi, j'ai. Après, pour. En fait, pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle avait. Les... Enfin, Oui. après, je connais des femmes qui laissent. Qu'ils aiment bien sécher au diffuseur tout est derrière, donc laisser bien friser. Et puis Ouais. sur les côtés, de bien lisser leurs cheveux et devant, en fait. Bon, après, c'est les coiffures un peu à l'ancienne, on va dire. Mais après, D'accord. chacun ses habitudes, quoi. Mais bon. Mais là, c'est plus trop tendance, c'est ça que tu dis, de faire Pour moi, ça. oui, c'est soit c'est bien partout bouclé, parce que c'est très tendance maintenant, les cheveux bouclés, même avec des Ouais. franges. Moi, je trouve c'est très joli. Moi, j'ai un cheveu bouclé, j'ai une petite frange à rideau. Donc, quand je boucle, franchement, ça fait une coupe un peu rock. Donc, moi, je trouve que c'est très joli, quoi. D'accord. Après, chacun ses goûts, chacun ses habitudes. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein. Les filles qui ont les cheveux bouclés, elles veulent les cheveux lisses. Les C'est filles qui ont les vrai. cheveux lisses, elles veulent les cheveux bouclés. Ouais, c'est assez ouais, Donc, c'est on adore le changement en plus. c'est ça, qui a un cheveu fin veut cheveux épais, qui a un cheveu Oui. épais veut moins de cheveux. Vaut mieux avoir trop que de pas assez. Je Ouais. me dis. Donc voilà, chacun ses petites habitudes. Alors, Ouais. Juliette. Et merci Claire pour cette anecdote. Dorothea, tu m'as convaincue de ne pas faire de couleur. Merci. Pardon. Pourtant, je suis une coiffeuse, mais. Il y a Je des devrais risques pas faire associés. ça. Non, mais moi, je suis très sincère, en vrai. Moi, je suis très sincère. De toute Oui, mais façon, je c'est vrai que sais. c'est On le agréable sait. comme ça. On le sait que Tu ça joues la goûte. transparence, la carte de la transparence. C'est ça. Après, il y a des couleurs végétales. Mais moi, Oui. je n'ai pas fait des formations encore. Donc, je ne peux pas conseiller là-dessus. Mais apparemment, c'est beaucoup plus doux, plus respectueux au niveau du cheveu, quoi. Et après, il y a des couleurs très D'accord. ammoniaques aujourd'hui, donc c'est pas des produits chimiques comme avant. Hein. Avant, Oui. c'est vraiment, on pouvait vraiment Agressif. brûler beaucoup. Parce que moi, j'avais mamie, enfin j'ai mamie. Elle était jeune et à l'époque, elle a fait sa coloration, hein, les cheveux en noir. Et c'était des D'accord. sels à base de sels métalliques, donc c'est vraiment très. Maintenant, on n'en fait plus parce que les gens ils se sont rendus compte que c'est très dangereux déjà pour la santé Ah, et que d'accord. ça abîme les cheveux. Et elle avait les cheveux jusqu'aux fesses. Bah, D'accord. mon papy il est revenu de déplacement et puis bah ma mamie il était rasée quoi parce que Ah bah, elle ouais, avait oh là brûlé là. ses cheveux. Ah Donc ouais. aujourd'hui, non, c'est quand même plus doux et plus respectueux. Oui. Donc on recherche toujours, au contraire, d'améliorer la qualité. Et après, des fois, ça fait envie de rapporter un peu de reflet. Mais après, on peut passer par des Ouais. colorations moins agressives, sans oxydation. Mais à chacun, voilà, forcément, ça abîme, forcément. Légèrement, mais Oui. forcément, oui. C'est Mais pas ça anodin. s'entretient. Un polaire, Ouais, je vois. c'est un entretien. Franchement, les filles qui vont des cheveux blonds, ils s'embrouillent Blond de base. platine, comme on dit. Voilà, Ouais. donc c'était tous les 15 jours à peu près faire la patine, faire des shampoings déjaunisseurs, faire des soins. Et voilà, donc c'est un Ouais, entretien. ouais, ouais. Faut le savoir. C'est pas juste C'est ça. la session chez le coiffeur et après on est tranquille, quoi. C'est plus que Bien ça. sûr. Bien sûr. Alors, on a Astré qui va commenter Je dirais aussi. que mon budget, c'est peut-être 50 tous les 4 mois. D'accord. Bah, c'est correct. Enfin, après, Ouais. si c'est une couleur, je ne sais pas, si c'est juste une coupe brushing, des soins, chacun salon, il y a des salons plus chers, il y a des salons plus basiques, quoi. Après, au Ouais. niveau des prix, ça peut varier. Ouais, c'est sûr, c'est très très différent. Bah, toi, par exemple, chez Chips, c'était plutôt sur de l'entrée Bah, de gamme, c'était là. pas cher. Bah, c'est une gamme, enfin maintenant c'est 24 euros, et maintenant ils ont des tarifs pour cheveux courts et pour cheveux longs, donc ça évolue beaucoup. Mais là, au Ouais. salon où je travaille, par exemple, un homme il paye 20 euros pour la coupe, alors qu'à Chip maintenant c'est 24 euros. Donc, mais par contre, c'est sans rendez-vous. Donc Ah oui, ouais. c'est ça. Donc Alors, oui, c'est une autre expérience de c'est coiffure, ça. quoi. Alors, Astrée. Elle se loupe jamais, contrairement à toi, dans tout ce que tu entreprends. Mince. Alors, je crois que tu rebondissais sur ce qu'avait dit Juliette tout à l'heure. Juliette. Moi, une fois, mon père est revenu de son travail et on aurait dit qu'il avait un début de calvitie sur l'arrière du crâne. Et en fait, il nous a dit que Oui. comme sa coiffeuse n'était pas là et qu'il voulait absolument pas changer de coiffeuse, et bah, il a tenté de se couper les cheveux lui-même. Et du coup, c'était atroce. Ça, c'est beau la fidélité à sa coiffeuse. Merci pour l'anecdote, Juliette. Steven? D'ailleurs, je pense que c'est pareil avec les garçons. Moi, j'aurais bien aimé avoir les cheveux un peu longs et lisses, mais pas de chance en fait. Dès que j'atteins quelques centimètres, ça devient des bouclettes comme des moutons et c'est Ah. désagréable à porter. Et à coiffer Ah, encore d'accord. pire. J'imagine. Astrée? Oui, c'est juste brushing et soin en fait. D'accord pour les 50 euros. Alors, on passe à la suite parce que là, c'est vrai que on n'est qu'à la deuxième question. On va peut-être aller un peu plus vite, mais ça fait plaisir en tout cas d'avoir tous vos commentaires. C'est vraiment cool. La décoloration, c'est le fait d'entourer le cheveu d'une couleur plus claire que sa couleur initiale. Je répète, la décoloration, c'est le fait d'entourer le cheveu d'une couleur plus claire que sa couleur initiale. Vrai ou faux? Décoloration. Décoloration, ouais. Est-ce que c'est le fait d'entourer le cheveu d'une couleur plus claire? Non. Ça, si je attends. Après, peut-être si je comprends mal, hein, mais Je veux dire, c'est le fait d'entourer le cheveu de nouveaux pigments d'autres couleurs, d'une couleur non. différente. Non, c'est faux. Donc là, pour toi, c'est faux. Qu'est-ce qu'en pense Juliette? Non, c'est faux. C'est le fait de retirer la couleur, justement, dépigmenter. Steven? Je crois que c'est faux. En fait, c'est vraiment un produit qu'on applique et qui va ôter toute couleur aux cheveux. Et c'est ultra fort, mais peut-être que je me trompe. Bien joué. Bien joué, bien joué. En effet, quand on décolore le cheveu, on lui retire. C'est exactement ça, son pigment, sa mélanine, et en fait, sans Naturel. pigment, le cheveu, voilà, tout à fait. Le pigment devient quasiment blanc à la fin, quand on lui retire le cheveu, pardon, quand on le dépigmente, devient blanc. Et du coup, on ne peut pas faire une coloration beaucoup plus claire à un cheveu foncé, ça ne se verra pas, on doit passer par la décoloration, et ainsi Il y a des détruire le fonds pigment d'écho, oui. naturel. Il y a des fonds d'écho, donc au plus foncé, donc ça passe par le rouge, rouge clair, donc Ah, si on. orangé, jaune. Donc on a Ça, c'est si effectivement on décoloré. décolore des couleurs foncées, c'est ça? C'est ça, donc un brun. Ouais. Donc après, il y a des niveaux, en fait, il y a quatre, il y a au niveau des tons, en fait. Donc oui, donc ça enlève les pigments, même si un cheveu coloré, hein, donc ça enlève les pigments artificiels dans ce cas-là. Ouais. Parce que ce n'est pas des pigments naturels, mais oui, du coup, ouais, il y a des bases, des fonds de couleurs qu'on doit obtenir pour obtenir, je ne sais pas, si on veut un blanc polaire, il faut une dixième stade, donc le blanc, le jaune très, très clair, en fait. Le cheveu ne sera jamais blanc, ça, c'est des mythes. Ouais. D'accord. Non, donc, ça soit très, très, C'est très jaune clair, très en très fait. clair. Ouais, Jaune très d'accord. très clair, mais ça, il sera jamais blanc. Il sera jamais blanc. Donc ça, c'est des mythes. Voilà. D'accord, ok. Mais du coup, quand on retire complètement, enfin, si on laisse poser très longtemps un produit de décoloration, on va obtenir un, oui, un jaune quasi blanc. Quasi, si c'est un cheveu naturel, oui. Si c'est un cheveu, par exemple, les cheveux asiatiques, malgré s'il sera décoloré, il pourra rester sur un jaune, pas très clair, mais un jaune ou jaune clair, quoi. Donc, D'accord, ok, je ça vois. aussi, donc au niveau de base, ce qu'on a dans le cheveu, en fait, aussi, hein. Si on a de la couleur, donc ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Ah oui, mais donc le blond polaire, ça c'est quasiment blanc, c'est ça? Il faut d'abord décolorer et ensuite refaire une couleur par-dessus. Refaire une patine, quoi, vraiment. Ouais, refaire une D'accord. patine pour neutraliser le côté jaune, en fait, hein, et donner Ah ce oui. côté cendré, bien clair, bien blanc, D'accord, quoi. je vois. Alors, c'est justement mon affirmation suivante. Après une décoloration, on peut réaliser une patine. Vrai ou faux? Bah oui, faux. Bon, bah là, les auditeurs n'auront peut-être même pas eu le temps, comme tu viens d'en parler ju juste avant. Bah oui, Donc, je viens de tout tu... raconter. Ouais, c'est ça. Et donc, tu peux nous dire un peu, tu disais, la patine, en fait, c'est pour retirer le côté un peu fade et jaune qu'on a obtenu quand le cheveu a été décoloré. Bah, la patine, ça peut vraiment pour donner un côté plus cendré, plus gloss, en fait, redonner la lumière, luminosité. Plus... Et après, on a des patines, par exemple, si une cliente, elle veut une couleur rose ou, je ne sais pas, lilas, il faut passer par un jaune très, très clair. Il nous faut un fond très, très clair pour que la patine prenne, en fait. Donc, D'accord. Oui, c'est vraiment pour donner, neutraliser et Ah donner oui. un coup. Voilà. Donc, le souhait de la cliente, quoi, ce qu'elle a envie, quoi. Oui, on est obligé de passer par ça. Ah, c'est intéressant en tout cas. Claire? Vrai. En effet, Astrée. Elle est vraie parce qu'elle a Dorothée avait l'air sûre d'elle. C'est sûr. Alors, cinquième affirmation. Pour l'instant, tu as 2 sur 4. Donc là, c'est bien, tu as atteint la moyenne. La coloration végétale, tu l'as évoqué tout à l'heure, est un produit sans ingrédients synthétique et il va entourer le cheveu et non pas transformer le pigment au sein de la fibre du cheveu. Je répète, la coloration végétale est un produit sans ingrédients synthétiques. Il va entourer le cheveu et non pas transformer le pigment au sein de la fibre du cheveu. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux parce que, ouais, moi je dirais que c'est faux. Donc, c'est-à-dire pour toi, comment fonctionne la Pour moi, là, coloration végétale? oui, c'est vrai que c'est à base des poudres en fait et c'est à base de l'eau, mais en fait, ça apporte quand même le reflet, donc ça transforme quand même le cheveu. Donc après. Je sais pas vraiment si c'est mais je crois oui ça reste quand même hein. Ça reste c'est un peu comme une couleur quoi donc je pense oui Donc donc tu faux ou vrai du coup? mais la question c'est est-ce que ça transforme ou fibre Est-ce que enfin est-ce que ça ça rentre dans entoure le la fibre cheveu? Là, c'est je disais que ça entoure le cheveu et que ça ne rentre pas transformer le pigment naturel. Alors, je dis c'est vrai que ça entoure plutôt, oui. Je dirais c'est vrai alors. Ok. Qu'en pensent Enfin, Astrée et je Juliette? dirais faux. Alors, Nouveau. Astrée reste sur Faux ton aussi, moi, idée de j'aurais dit. départ. Ah, Léa aussi dit faux. Je Juliette? dirais vrai, vu que je crois que c'est Dorothée qui a dit que le végétal, ça permettait de colorer en abîmant moins le cheveu. Oui, bah, c'est ça en fait. Enfin, c'était un peu le piège, entre Le guillemets. piège, quoi, Apparemment, oui. ouais, la coloration végétale, le produit va entourer le cheveu d'un nouveau pigment et non transformer le pigment à l'intérieur même de la fibre du cheveu, apparemment. Et ça, c'est ce que ferait une coloration un peu traditionnelle, dite permanente. Elle va Elle fonctionner va par vraiment dans la fibre, oxydation. oui. C'est Oui, ça. voilà. Alors que Là, le côté, enfin, avec une coloration végétale, c'est différent par rapport à ça. On entoure le cheveu, donc c'est un peu plus doux. Donc c'est vrai, oui. Oui, Ouais. donc Donc, voilà. bien joué. Du coup, tu t'es rattrapé. Donc, tu as 3 sur 5 Oui. de refaire. Putain. Et Juliette, Juliette avait Mais juste, si d'ailleurs, tu tends des Juliette. pièges, comment veux-tu que je réussisse? Eh oui. Alors, sixième affirmation. Peut-être que vous avez vu sur Instagram que j'avais posté le dessin d'une certaine coiffure à la mode en 2021. Voici l'affirmation. La mode 2021, côté coiffure, c'est la square ponytail, fairy hair et le Greek bob. Vrai ou faux, Dorothea? Moi, je dirais c'est vrai. Moi, je dirais c'est vrai. On a beaucoup d'images de cheveux un peu bouclés, des wavy. Il y a beaucoup même des filles, des garçons qui font des permanentes pour avoir une belle boucle bien dessinée. Après, moi, je dirais oui, c'est plutôt. Il y avait quoi d'autre aussi? Donc, square ponytail, fairy hair et Greek bob. Ha. C'est C'est des très termes que tu as intéressant. déjà entendus Oui, bah oui, ou c'est certains des d'entre eux. carrés. Le dernier, c'est des carrés un peu carré bob, quoi, on va dire. Bob carré. Un peu. Ça s'appelle autrement. Enfin, mais c'est la même chose à peu près. Donc moi, je dirais oui. Oui. Moi, je dirais oui. Alors, il y a Juliette qui Je m'étonnerais commente pas que t'as également. inventé des noms, Alice. C'est Donc je veux dire faux. vrai que là, en les 10 ans, j'avais vraiment envie de rigoler. Non, je suis désolée, Dorothea. J'ai Oh réussi non. à garder mon calme. Oh putain. ce n'est pas. Ce n'est pas la mode de la square ponytail, mais de la bubble ponytail. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur Instagram les différents, les trois, à quoi ça correspond. Ensuite, ce n'est pas la mode de la fairy hair, mais de la mermaid hair. Et c'est ça que j'avais posté sur Instagram en l'occurrence. Et il ne s'agit pas du Greek bob, mais du French bob. Donc, en fait, apparemment, c'est un carré court qui nous est envié Bah oui, c'est un dans French, le monde oui. entier. C'est un Ouais, toi, bob, c'est le mot oui. Bob, du coup, c'était bon pour le mot Bob, mais en fait, c'était pas grec, c'était français. Et, Bah c'est ça, on... oui. Oui. Mais donc, du coup, j'ai bien rigolé. C'était marrant. Ça sonnait bien. Oui, du coup, apparemment, tout ce qui est tendance un peu parisienne, ça nous est vraiment envié à l'international. Et du coup, ce petit carré un peu déstructuré, enfin, décoiffé plutôt. Est assez tendance. Qu'en pense Steven? Je me demandais vraiment à quoi ressemblait le Quick Bob. J'imaginais un mec qui sortait d'un Quick et qui avait une sorte de bob sur la tête. Bref, terrible. Alors, du coup, tu as entendu le Quick Bob, c'est ça? Parce que moi, je l'ai sans doute mal prononcé. Je voulais dire le Greek du grec, mais je ne sais pas Il si vous y a avez Quick Wave en fait. compris. Donc il y a Ah, Quick Wave Quick Bob. Wave. Ah, encore autre chose. Ah ouais. Non, là, Donc j'étais sur le grec. J'ai changé de nationalité, en fait. d'accord. Je ne sais pas si... Tiens, je vais taper Greek Bob pour voir. Ça se trouve, ça existe. Je n'ai pas pensé à vérifier. Greek Bob, qu'est-ce que j'obtiens? Il y a un Un quick dessin wave animé. avec un Q. C'est avec un Q, en fait, quick wave. Donc, weave, quick weave. Donc, ça, c'est un D'accord, carré oui, je vois les penchant, en vagues fait. un petit Un peu. carré Ah oui, penchant, en d'accord. fait. OK. Mais en tout cas, a priori, il n'existe pas de carré grec parce que j'ai rien trouvé là comme ça. C'est à inventer, pourquoi pas. Alors, septième affirmation d'Orofea. Donc, si je ne m'abuse, tu es d'origine russe, hein, c'est ça? Oui. Alors, petite question concernant une spécificité russe. Voici l'affirmation. Le Guinness Book des records va bientôt écrire le récent record d'un coiffeur russe qui a fait 90 coiffures d'affilée en 48 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi? Un coiffeur russe qui a fait 40. 90 coiffures 4... d'affilée en 48 heures. Le Guinness Book des records va-t-il bientôt parler de ce record-là? Intéressant, mais après je sais que c'est plutôt un pays qui sent fort en coiffure, hein, Ouais. mais même dans la beauté, tout ce qui est aux ongles, tout ce qui est voilà. Après, enfin, je sais pas, j'ai peur, je crois que je vais vraiment perdre, genre. Je suis vraiment nulle. Mais non, t'es déjà à 4 sur 6, hein. Donc là, t'as déjà atteint ce que tu visais en fait. T'avais dit 4 ou 5. Donc tu vois, c'est pas trop mal. Ben... 90 coiffures d'affilée en 48 heures. Est-ce que toi, tu t'en sens capable? En 48 heures. 48 heures d'affilée, 70 ça veut dire, sans d'affilée, dormir. ouais. On va voir ce qu'en Je pensent sais nos pas. auditeurs. Je Claire? pense que c'est vrai. Claire, ça t'étonnerait pas que quelqu'un réussisse à tenir éveillé 48 heures pour coiffer 90 personnes, Moi, Juliette? je dirais faux. Je dirais que si le gars a tenu 48 heures, il a pu faire plus de 90 coiffures. Ouf! Ah ouais, d'accord, Steven. J'imagine que le pauvre vieux, il a dû voir arriver un régiment de petits soldats qui partaient loin et il fallait tous les passer dans la matinée. Ça me paraît beaucoup, mais j'imagine que c'est possible et que sa tondeuse a dû avoir très très chaud. Ah ouais, il en avait peut-être même plusieurs au cas où. Juliette? Contre, Moi, je j'avoue, pense que je veux c'est pas voir la possible. gueule des coiffures à la fin. Qu'est-ce que tu dis, Dorothée, pardon? Moi, je pense que c'est vrai plutôt. Je pense Moi, je que c'est pense que c'est vrai plutôt au vrai. vu Moi, de ce qu'ont pensé les 48 heures, auditeurs, ça te c'est semble possible. crédible. Ouais. Ouais. Quand on dit client 48 heures, ça ne veut pas dire qu'il fait défiler, quoi. Mais oui, je Ouais. pense que c'est possible, là, parce que nous, en journée, en vrai, on peut faire 40, 30 clients. Donc, Par personne? possibilité de... Bah oui, c'est possible. Toi, sur une journée de travail, ça t'est arrivé de jusqu'à 30. Ça nous arrivait de faire trentaine clientèle, ouais. Ah ouais, quand c'est des coiffures assez rapides, peut-être. Après, c'est des couleurs. Après, c'est ça, en fait. C'est couleurs, coupes, plutôt. Après, moi, je ne fais pas tout ce qui est chignon, tout ça. Ça, ce n'est pas mon truc. Oui. Tout ce qu'ils attachent, ce n'est pas trop ça. Mais oui, ça nous arrivait des grosses journées, quoi. Mais très, très Ah oui, rarement. Mais d'accord. oui, une Oui. va... enfin, je dirais une quinzaine. Si déjà il y a une Tranquille. quinzaine, c'est bien. Ouais, voilà, tranquille. Ouais. D'accord, ouais, donc c'est plutôt cohérent avec son record. On écoute les derniers commentaires et puis après, je vous révélerai que oui, c'était vrai, Steven. Après, tu dis 90, genre c'est un chiffre rond, tu vois, tu aurais pu dire Ah, 91 ou 92, c'est donc louche. ça met le doute quand même. Sachant qu'en général, quand les gens veulent passer dans le Guinness des records, ils regardent le record qui a été fait avant et ils essayent, ils se donnent un objectif. Donc c'est aussi pour ça que c'est un chiffre rond en fait. Moi, je Astrée? dis que c'est faux, c'est encore plus, soyons fous. Claire? Je pense qu'il y a un piège. Je pense qu'il en a fait plus. Soit il a tenu plus longtemps, soit il a fait plus Ouais. de coiffures. Et non, non, non, c'était bien ça, Steven. Après, je me demande, c'est pas encore écrit dans le Guinness des records. Comment est-ce que tu sais, du coup, que ça va l'être? Enfin, il y a un journal officiel qui passe et puis ça annonce qu'il va passer dedans. Je sais pas, moi, je sens la fourberie. Ah oui, je vois, ça aurait pu. Tu doutes peut-être de mes sources, tu te dis comment je peux savoir avant, en avance ce que le Guinness des records va publier. Mais en fait, en l'occurrence, c'était un article qui expliquait que ça allait rentrer dans le Guinness des records, du coup, Steven. Ça fait quand même une personne par une personne toutes les 30 minutes environ, sur Exactement, 48 heures. 32. Donc, ça y est, je vous révèle que ça ne sort pas de ma tête cette fois-ci. Alors, je vais essayer de prononcer sans écorcher son nom. Vladislav Demidovic, qui s'est lancé ce défi. Et en fait, ça faisait 32 minutes par coupe. Et en effet, les gens avaient peur d'être les derniers, pour rebondir sur ce que disait Juliette. Les gens avaient peur d'être les derniers coiffés, mais il était un peu en roue libre et il a réussi ce record assez fou, quoi. C'est impressionnant. Oui, Mais c'est tu ça disais le que toi, risque. jusqu'à ouais, on se motive et on serre les dents, c'est ça? Mais j'ai connu des journées comme ça, vraiment d'affilée, qu'on commençait à 8h30 du matin, et puis c'est non-stop, même pas une petite pause, et oh, je mangeais des Ah fois qu'à ouais. 16h ou Ah 17h, bah donc oui. Ah vraiment, j'ai ouais. connu des journées comme ça, donc Ouais. je disais, ça, c'est quand même, j'ai un peu calculé, mais je disais que pour un record, oui, je pense, c'est fort Ouais, probable, c'est fort quelqu'un qui probable. s'est vraiment Mais mobilisé le pour ça. pauvre, mais le Bah, pauvre, oh là il là. était fier au moins à la fin, il a enfin c'est stylé quoi de Je crois qu'il d'atteindre sentait plus un ses nouveau mains. record. Comment? Je crois qu'il sentait plus ses mains. Il Ah sentait ouais, ah plus, là là. ouais. Et j'espère qu'il a pu s'asseoir vraiment, parce que souvent c'est la difficulté aussi dans ton métier, c'est qu'on est beaucoup debout. Bah, je pense qu'il aurait pu. On est beaucoup, mais pour les couples femmes, c'est vrai, on est un petit peu assis. Mais c'est vrai que c'est un métier Ouais. qu'on piétine beaucoup, et Oui. c'est vraiment bien important de faire du sport parce que les jambes, Ah. des tendinites, donc ça c'est Ah ouais, les d'accord. maladies les plus courantes. Donc, Ah oui, je vois. Ouais. ouais. D'où ton goût pour les sports où on se défoule bien. Ah bah oui, là. C'est indispensable. Alors, Steven, qu'en penses-tu, Steven? Est-ce que tu es déçu que ça soit un vrai record, Ouais, mais du peut-être? coup, ça veut dire qu'il en connaît du monde. Et je me demandais justement en tant que coiffeuse, est-ce que tu discutes un peu avec la clientèle? Est-ce que tu connais un peu leur, bah, je sais pas, leur vie? Est-ce que ça permet de Ah fidéliser oui. les personnes? Ou au contraire, tu fais ton taf et puis tu discutes un peu si la personne discute un peu, mais c'est Ah. pas quelque chose que tu recherches. Ah, intéressant, Steven, comme question, j'avoue. C'est vrai, c'est une belle Alors. question parce que bah, sa cliente est différente. Donc, il y a des clientes qui sont un peu plus discrètes. Donc, ils viennent vraiment pour qu'on lui rende un service. Et moi, Ouais. je vais pas, je suis pas quelqu'un qui va insister, en fait. Il y a des coiffeuses vraiment qui demandent beaucoup de questions, qui Ah vraiment oui. parlent beaucoup, beaucoup. Mais oui, bah, après, c'est souvent, oh, vous avez des belles tatouages. C'est souvent des compliments Ah. ou vous avez un petit accent. Et puis, Oui. voilà. Je raconte mon petite histoire et puis bah voilà, on s'accroche comme ça, mais ça Ouais. dépend. Mais oui, j'aime bien parler avec la cliente. Quand je sens le Oui. feeling, ça passe en fait. Donc on se connecte, on rigole, je peux lancer des petites blagues, un peu, Ouais. voilà. Hein, donc si ça colle vraiment et je Ça sens met une bien, bonne après. ambiance. Mais généralement, quand j'étais à Chip, moi j'ai eu ma petite clientèle, et puis bah beaucoup, ils aimaient bien comment je travaille, comment je suis en tant que personne, quoi, que je suis pas trop insistante, que je suis Ouais. souriante et que Positive, j'ai du coup, tu une disais, tu essayes de oui, pas bonne énergie, enfoncer tout quoi. ça. Oui, une énergie quand même apaisante et que je m'inquiète beaucoup, que je pose beaucoup de enfin, je m'inquiète pour la cliente, que je prends soin vraiment. Et je D'accord. pense que c'est important que la cliente soit rassurée et que Qu'elle passe un beau moment, elle ouais. vient. Ouais, elle vient ici pour la détente, en fait. Ah Pour moi, ouais. c'est. Donc, elle vient dans le salon pour se détendre et pas avoir le stress qu'on lui coupe trop court, qu'on lui Oui. rate. Et voilà. Donc, Ouais, bah, puis, je t'as suis bien habituée. résumé ce qu'on peut, enfin, ce que moi, personnellement, je peux attendre quand je vais chez le coiffeur. Donc, ouais, t'as raison d'avoir cette approche. Je pense que ça doit plaire beaucoup, ouais, en effet. Oui. Pas Ouais, cher. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de coiffeuses qui sont comme ça, en fait. Donc, mais moi, je pense que c'est c'est ce important qu'on te dit que souvent, ouais. c'est important d'avoir qu'on soit apaisé, qu'on soit assuré, que ça c'est un endroit détente et que c'est notre Ouais. métier d'apporter le plaisir parce que c'est un joli métier qu'on peut faire encore mieux. Oui. Si on fait le pire, bah, ça sert à rien qu'on reste dans ce métier, en fait. Si on fait pleurer les gens, hein. Oui, c'est pas le but. Que je me. Mais Voilà, c'est ça. ouais. C'est vrai que pour faire encore un parallèle avec le monde de l'esthétique que je connais davantage, le fait d'être dans une cabine avec seulement à deux, avec l'esthéticienne et tout, il y a peut-être plus cette dimension détente qui est plus facilement accessible. Dans un salon de coiffure, il y a beaucoup de monde, il y a un peu, enfin, le bruit des différentes machines, sèche-cheveux et tout ça. Donc, ça peut ne pas être un moment agréable au final. Et c'est dommage parce que tu as raison, c'est ce qu'on aimerait. En allant chez le coiffeur, c'est passer un bon moment de détente où on prend soin de soi et tout ça. Donc, ouais. Ça, c'est assez important, quoi. Alors, on C'est a ça. Claire qui rebondit sur tout ça. J'aurais voulu demander à Dorothea ce qu'elle pensait des concours de coiffure et est-ce que Ah. ça peut offrir des opportunités de Ah, gagner un professionnel. concours? Alors oui, parce que bah, quand j'étais en tant que CAP au brevet professionnel, on nous propose de participer au concours des meilleurs apprentis de France, ou des concours Ah. différents. Oui, donc parce que dans les CV, par exemple, quand on va mettre, c'est plus pour les CV en fait, pour les lettres de motivation qu'on va écrire que comme quoi on avait Ouais. participé. Donc on est motivé quoi. Ça va montrer qu'on est motivé, qu'on est artistique. Et qu'on avait fait ça, mais après moi j'en ai pas fait parce que je j'aime pas du tout les coiffures, tout ce qui est coiffure de mariage Ah, c'est ça et plus généralement. qu'au non j'en le fais pas du tout, je sais pas le faire, ni tresse, ni vraiment les coiffures des attaches, en fait j'en fais pas du tout, j'aime plus tout ce qui est coloristique, donc là j'aimerais trop faire, je sais pas, des couleurs un peu plus complexes comme des arcs-en-ciel un peu plus colorés, enfin Ah, moi j'aimerais faire ça d'accord. vraiment pour les jeunes quoi, un peu donner parce que ça se fait pas beaucoup en France, il y en a des salons D'accord. mais c'est une technique très très très compliquée on va dire, et ça passe beaucoup de temps hein, sur 10 heures 14 heures à peu près, donc pour préparer toute la base, donc c'est vraiment un long travail. Mais oui, les concours, c'est vraiment ça permet de montrer qu'on est motivé, qu'on aime Oui. ce qu'on est artistique. Et puis bah dans ma classe, il y avait une fille qui avait gagné du coup l'apprenti meilleur apprenti de France. Donc après voilà, Ah. elle est vraiment au top. Donc après voilà, elle a beaucoup d'opportunités. Donc on va dans un salon présenté. Donc ah oui, il regarde. Ah oui, il a participé dans un concours. Donc c'est Elle bien peut quoi. viser des... Est-ce qu'elle peut viser, par exemple, je sais pas, des salons peut-être qui vont très haut de gamme et coiffer des stars ou ce genre de choses, ou pour tout ce qui est, tu sais, cinéma, etc., ça peut aussi Bien sûr, être des pistes. oui, ça peut aider. Oui, ça peut vraiment aider. Et puis, vraiment, c'est important pour ceux qui veulent vraiment faire plutôt dans les métiers artistiques, travailler dans les coulisses, un peu coiffer les Ah stars, enfin, dans oui, les théâtres, des pour les défilés, de spectacles. oui. C'est ça, ou les défilés. Donc, pour eux, c'est vraiment une opportunité déjà Pour se pour démarquer. voir ce qu'ils peuvent, parce que c'est vraiment le timing, niveau timing. De quoi ils sont capables eux-mêmes en fait, Ouais. pour pouvoir, vraiment on nous dise de juste le faire, mais pas venir pour gagner en fait, mais vraiment pour savoir de quoi on est capable et qu'est-ce qu'on sait faire en fait. C'est plutôt Oui, pour ça. c'est un défi Après, si on personnel gagne, aussi. Ouais. c'est un challenge en fait pour soi-même, mais moi j'ai pas tenté le faire après, hein, voilà, je ne regrette pas, mais je sais Peut-être à que l'avenir d'ailleurs, une fois que si peut-être, tu mais persévères bof. dans tout ce qui est couleur, On verra etc. bien. Vu Oui. que tu n'as que 22 ans, je rappelle à mes auditeurs qui ont deviné un âge un peu plus mature, tu as une Poussé. longue carrière devant toi. Voilà. C'est Alors, ça. merci Claire en tout cas de cette question et Steven aussi de ta question juste avant. On passe à notre dernière affirmation. Dorothea, donc tu as eu 5 sur 7. Est-ce que tu obtiendras 6 sur 8? Tu vois, au final, à cause des deux premières où tu as eu faute, tu as eu l'impression que tu avais une mauvaise note et en fait, pas du tout. Alors, au début des années 1900 en Russie, les tresses avaient une signification par rapport au métier de la femme. Au début des années 1900 en Russie, les tresses avaient une signification par rapport au métier de la femme. Qu'est-ce que tu en penses? Chers auditeurs, est-ce que vous avez une idée pour cette affirmation? Juliette, Claire, Astrée, Steven, Cricri, Leila, Charo, Laurie, Namiko, Lilia et Marine. Bonsoir aux quatre dernières qui nous ont rejointes dans Beauté Imaginée pour parler de la coiffure et du métier de Dorothea. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dorothea, du coup? Ça te dit quelque chose, cette tradition? Alors, pour le métier, tu m'as dit, c'était les années 70, tu m'as dit, c'est ça? Dans les années 1900 en Russie, les tresses avaient une signification par rapport au métier des femmes. Est-ce que c'était cette symbolique-là, les tresses en Russie Les dans tresses. les années 1900, le métier des femmes? Tu as déjà entendu parler de ça, une symbolique autour des tresses? Autour des tresses. Je réfléchis. Peut-être c'est un piège en vrai, hein? C'est chouette. D'un métier. Mais moi, je pense que c'est fort probable. Moi, je pense. Oui. Moi, plutôt pas dans les. Je dirais pour les 1800, mais 1000. Parce que c'est vrai, une tresse, c'est une coiffure qui est très beaucoup connue en Russie, qui était faite beaucoup. Ouais, Donc très après, courante. très courante, oui, même des. Moi, je dirais. Moi, je dirais oui. On va tenter, oui. Moi, je dirais que c'est oui. Longue réflexion pour te tromper. Alors, on va d'abord écouter les auditeurs, mais je suis désolée, c'était pas ça. D'ailleurs, je me demandais du coup, parce qu'on parle de concours, de montée en compétences et tout ça, quel est le plan de carrière de bah, d'une coiffeuse, d'un coiffeur? Est-ce qu'il y a un moment où tu as envie de gérer ton propre salon de coiffure? Est-ce que tu as envie de te démarquer des autres et te spécialiser dans une technique particulière qui donnerait un résultat particulier? Enfin, voilà, je me pose cette question. Ah oui, alors petite parenthèse pour revenir à tout ce qui est donc compétences et tout ça. Toi, enfin, comment tu vois ton avenir d'Orofea dans 5 ans, 10 ans? Quels sont tes projets en côté coiffure? Côté coiffure, sincèrement, j'aimerais pas faire ça toute ma vie quand même. D'accord. Tu veux dire quoi? Parce La coiffure ou le salon de coiffure? que bah après je peux ouvrir mon salon de coiffure peut-être dans l'avenir Ouais. si peut-être ça se peut hein, j'ouvrirai mon petit salon si vraiment j'accroche mais c'est vraiment un métier que j'ai goûté que j'ai essayé j'aime beaucoup mais j'aimerais pas quand même faire ça toute ma vie. J'aime bien, si je suis quelqu'un qui aime bien changer quand même. D'accord. Voilà, j'ai changé le T'as peur pays, du donc j'ai côté changé. routinier un petit Donc, peu? Ah oui. c'est ça, voilà. Donc j'ai peur de ça, en fait, de la routine, en fait. Après, j'aime pas regarder dans l'avenir, j'aime pas D'accord. planifier. Pour l'instant, tu vis plus au Franchement. jour le jour. Tu as tenté le travail à domicile aussi. Tu te rends compte que le côté salon, ça te convient plus. Et puis après, peut-être Donc ouvrir voilà, un parce que jour. j'ai travaillé dans le salon, donc c'était mal un peu passé. Donc j'avais plusieurs expériences en fait un peu mauvaises, un peu Ah, d'accord. bonnes aussi en même temps. Donc mon parcours en soi, en études, c'était un peu compliqué parce que j'ai un caractère aussi voilà, qui était un peu compliqué. Donc j'ai travaillé D'accord. aussi sur ça. Mais ça m'a fait mûrir en fait. Donc j'ai Ouais. mûri Et maintenant, on te donne et ce 30 ans. métier. Voilà, donc voilà j'ai pas envie de vieillir, hein. Merci. Je blague. Donc non, franchement, je peux pas dire que les concours. Peut-être un jour, je vais peut-être participer dans les concours un peu coloristiques ou je sais pas, mais Oui, qui pour va. changer, pour casser la routine, ça peut être une piste, c'est vrai. Ça. Et par exemple, tout ce Voilà. qui est être youtubeuse, peut-être influenceuse, montrer tes talents, etc. Ça peut t'intéresser à l'avenir. C'est une chose à laquelle tu as déjà pensé. Oui, j'ai pensé, mais pas forcément des tutos, mais peut-être des petites. Mais il y en a trop maintenant, il y en a de tout et donc beaucoup qui font ça. Après, il faut trouver vraiment une petite technique, une petite touche personnelle. Ouais. Parce que maintenant, au jeu d'aujourd'hui, maintenant, tout est inventé presque. Donc, c'est un peu compliqué de trouver, de découvrir et montrer quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est possible. Et après. Oui, je me disais pourquoi pas faire. Je pensais aussi être une formatrice peut-être, former, Ah oui. à apprendre parce que j'aime bien ça, un peu ce côté j'aime bien apprendre, Transmettre. j'ai un moment là à transmettre et puis pourquoi pas. Après, d'un côté, j'ai peur un peu, mais peut-être à venir, je vais prendre plus de techniques, plus de connaissances Oui. et je Bon, puis pourrais là, tu as approfondir. commencé il y a seulement une semaine dans ton nouveau salon, donc c'est encore tout peut encore évoluer dans ta tête et tout ça. Enfin, On apprend il toute faut que notre tu vie vois en un petit fait, peu. donc Oui, c'est vrai. on apprend toute la vie. On peut pas dire qu'on sait tout faire parce qu'on a toute une vie devant nous et on apprend toujours Oui. quelque chose. On peut pas tout savoir, Ouais, c'est donc sûr. Eh ben, bonne question, Steven. Tu vois, tu as merci Steven. Dorothée a Ouais, dû ouais. pas mal réfléchir là. Peut-être que ce soir elle se reposera cette question et elle dira bon alors qu'est-ce que j'aurais répondu la prochaine fois. D'ailleurs Steven a rebondi par la Moi perso, suite. je pense que c'est vrai et Alors là, on que revient ça à avait notre de très affirmation. fortes significations. Donc voilà. Les tresses. Donc on revient aux tresses et à leur signification, leur symbolique au début des années 1900 en Russie pour les femmes. Est-ce que ça correspondait au métier de la femme, Claire? Je pense que c'est vrai parce qu'il fallait quand même aller chercher cette information. C'est sûr. Astrée. Je pense que c'est vrai. À moins que tu l'aies un peu changé, mais je pense. Non, je pense que c'est vrai. Oui, voilà, Claire. En général, moi, ma technique, c'est plutôt de prendre une information réelle et de modifier deux, trois trucs. J'arrive pas à partir de zéro et à inventer tout un truc, malheureusement. Juliette. Je dirais faux. J'ai l'impression que elles avaient toutes des tresses. Dorothée, rappelle-moi ce que tu as pensé. Tu as pensé que c'était vrai, n'est-ce pas? Moi, je dis c'était vrai, mais Ouais, mais non. du coup, Ouais, donc voilà, en oui. fait, y avait bien une symbolique, mais c'était pas au niveau du métier de la femme, c'était par rapport à sa situation amoureuse. En fait, quand on avait une tresse avec un ruban, cela voulait dire qu'on était fiancés. Une tresse avec deux rubans, ça voulait dire qu'on était fiancés, mais que les parents étaient d'accord, apparemment, et avaient approuvé. Et deux tresses, là, c'était possible pour les femmes mariées qui cachaient alors leurs tresses. Elles n'étaient plus visibles, elles n'étaient plus apparentes, en dehors de la coiffe. Ça, c'est fort probable. Ça, je pense que c'est tout à Alors, fait, hein, c'est ce que j'ai découvert, en tout cas. Après, voilà, j'espère que c'est une info fiable. Bon, bah, peut-être que tu pourras poser la question à d'autres personnes qui s'y connaissent sur tout ce qui est tradition et tout. Mais apparemment, voilà, c'était par rapport à la situation amoureuse du coup. Donc, ce qui t'a causé une troisième faute, malheureusement. Mais tu as quand même le beau score de 5 sur 8. Donc, bien joué. Et Bon, bah, qu'en c'est pense pas mal. Steven? Ouais. Mais il me semble qu'en Pologne c'était le cas justement, et d'ailleurs, bah, autre parenthèse, merci pour la réponse et tout ça, c'est un plaisir. Et du coup, je pense Merci, que c'était Steven. aussi pareil pour les pays limitrophes, genre Ukraine, Pologne, tout ça. Il me semble que la Ah. coiffure là-bas a beaucoup de signification, notamment qu'on fait une couronne au-dessus de la tête avec les cheveux pour les femmes et tout ça. Donc voilà, ça m'étonnerait pas du tout que ça soit une vraie vérité. Ouais, bah voilà, c'était juste un petit peu différent. C'était pas par rapport au métier. Steven, ça fait plaisir d'avoir un homme aussi actif dans les commentaires et tout, qui s'intéresse au sujet parce que la beauté, on a tous donc notre vision. Et là, on parle aussi un peu parfois économie de la beauté et tout ça. Et donc, Steven a toujours des trucs à dire. Ça me fait bien Donc, plaisir. merci. Oui, c'est Ouais. vrai, ça fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Steven. Bah, à tout le monde, à toutes les filles Ouais, qui grave, on a eu participent. beaucoup de participation. Et ça continue, parce qu'on a Astrée là qui Grande intervient. première, la seule qui a eu bon est Juliette. Bravo. Ouais, on va devoir se souvenir de cette question du goût. Steven? Et yes, ben du coup, il me semble que sur les musiques traditionnelles japonaises, enfin, polonaises, pardon, qu'on retrouve sur YouTube, il y en a toute une flopée. Et ben justement, les femmes. Où jeunes femmes ont souvent des démarcations au niveau de leur coiffure. Et ouais, ça me fait vachement Beaucoup de écho tresses. avec bah, le thème Ah des bah chansons oui. qui parle justement de la découverte de la vie adulte et comment on trouve un compagnon et tout ça, quoi. Ah. Oui, c'est beaucoup de tresses en vrai. Et on voit beaucoup des images, des portraits des filles avec leurs rubans, avec leurs petites robes et des tresses. Et puis même si je crois, il y avait à l'époque, Si les filles, ils ont faisaient un petit, enfin, s'ils ont fait une petite bêtise, bah, ils pouvaient se faire couper les joints de leur La cheveu, tresse. couper leur tresse en fait, Oh, ouais. Pour, oui, ah ouais. Alors, pas une petite bêtise, là, je crois que c'était vraiment un châtiment oui. assez fort, mais, mais oui, du coup, Oui. ça faisait partie ouais, d'une symbolique aussi, quoi, de montrer. Enfin, c'était important, quoi. La tresse était importante. La longue C'est ça. chevelure et. La longueur de cheveux, oui, bah oui, bah oui. C'est ça. Ah ouais. Eh ben, en tout cas, c'est bientôt la fin de notre live stéréo, beauté imaginée. Bah, je suis super contente. Généralement, les interviews, les émissions durent une bonne heure. Là, on a carrément. On frôle avec 2 heures, quoi, après. les 2 heures, oui. Bon, désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, chers auditeurs. Merci d'être restés jusqu'au bout. On avait donc Juliette, Claire, Astrée, Steven, Cricri, Leïla et Laurie. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Dorothée, c'était hyper intéressant d'avoir ta vision de professionnel du métier et tout. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de partager. Et puis, Ouais. n'hésitez pas, j'ai mon petit Instagram qui est Oui. ouvert. Donc, après, je suis pas le coiffeur. Je suis pas que la coiffeuse, mais après, c'est mon Ouais. métier professionnel. J'ai eu quand même mes 2 diplômes. Donc, voilà. Ah bah oui. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir des questions des filles, Steven, enfin, Astrée. Enfin, ravie, même toi, Alice, ravie de vous entendre. Ah, Merci à merci. tout le monde. Merci Ouais. beaucoup. Non, c'était vraiment cool. Et du coup, tout à l'heure, on l'évoquait, la semaine prochaine, je recevrai Julie pour échanger sur le thème du coup de l'inspiration de la culture asiatique dans la beauté, notamment de la technique sans visage du layering. Est-ce que tu as éventuellement une question que je pourrais lui poser ou une info que tu aimerais connaître par rapport à ça, Dorothea, pour le prochain live? Pour l'instant, j'ai pas de questions, mais je vais regarder un tout petit peu et puis bah, je vais passer au live et puis peut-être je Ouais. vais passer Génial. directement en live et comme Et je pense que poser c'est tes très questions. intéressant. Ouais, Voilà. super. Avec plaisir. On a Steven et Astrid qui Merci réagissent. beaucoup pour ce live et puis bonne continuation à toi et en espérant que bah, ça se passe bien, que je vais pouvoir concrétiser tous tes projets et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Sympa. Merci beaucoup. Ouais, un beau message. Astrid? Ouais, franchement, bon live et avec des participations pertinentes, je trouvais. Enfin, voilà. Ouais. Du coup, c'était cool. Et même d'entendre ton expérience et tout, c'est intéressant. Et j'adore toujours l'accent. Ouais, j'avoue, c'est très très joli cet accent. Ça fait combien de temps que tu parles français du coup? Ça fait 8 ans là que je suis en France et je suis venue. Je Mmh. parlais pas du tout français, donc Ah, pas du tout, du j'ai tout, appris. ouais. Oui, j'ai vraiment Difficile. appris. Oui. Je savais pas même pas comment dire oui ou non. Hein. Enfin, après, Ah c'est en ouais. anglais, c'est Oh là yes, là. no. Je parlais Ah anglais, ouais. mais les Français, ce problème, ça parle pas anglais, donc fallait Ah, apprendre oh, faut pas généraliser. Regarde comment je vous ai sorti le Quick Bob. Tout le monde a rien compris. Non, mais c'est vrai qu'en général, oui, on n'est pas le pays le plus à l'aise avec les langues étrangères. Mais donc, bah, chapeau, hein. Pour rester sur le thème des cheveux, chapeau. Tu as du coup, enfin, tu parles hyper bien, mais avec ce petit accent qu'on aime bien, quoi. C'est cool. Bah, je fais des petites fautes aussi, hein, mais j'espère qu'elles sont très légères. On peut me corriger, donc moi je suis pas contre. Je viens me Ah, bah parler alors, bon, je vais correctement. reprendre le live et je vais trop dire. Non, je plaisante. Non, non, non, Super. non. L'horreur. Alors, Claire aussi, Claire a beaucoup participé aussi. Et là, jusqu'à la fin, merci Claire, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Juliette, Bah, merci Juliette c'était très intéressant. de C'était nous faire marrant, les petites briller. anecdotes. Et même si je vais plus chez le coiffeur, j'avoue, je serais curieuse de Ça savoir où se trouve te titille. ton salon, Dorothea, parce que t'as l'air d'être une bonne coiffeuse qui prend en compte ce que veulent les gens. Ouais. Déjà, humainement, on voit que ça a l'air sympa d'être coiffé par toi. Tu peux nous dire ou pas trop, ou plus tard, où tu Alors, travailles. j'habite à Cholet, donc je pense que c'est un peu loin. Donc, c'est les Maine-et-Loire, Cholet, et c'est un FD coiffure à PK3. D'accord, Donc, ok. voilà. Donc, si un jour on passe. Donc, c'est dans Cholet même, ce salon-là? Oui, c'est ça, D'accord. oui. Ok. Bah, si un jour on y passe, on. Et qu'on a à ce Avec moment-là plaisir. une belle Avec chevelure à plaisir. transformer, là, il faut absolument qu'on vienne chez toi. Yes. Sans hésitation. Super, bon bah ravi encore et puis je vous souhaite à tous une belle soirée. Là, je crois qu'il fait nuit aujourd'hui, c'était le jour hier d'ailleurs, c'était le jour le plus long. Donc là on est dans les vraiment les jours hyper enfin qui durent longtemps quoi. Voilà. C'était la Les petite nuits phrase de la blanches. fin. Oui, mais ouais, quasi blanche. À bientôt, j'espère, en tant qu'auditrice et pourquoi pas sur un autre thème à Bien sûr, l'avenir. avec plaisir. Des gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bonne soirée à toi, Alice. Bonne nuit et de Merci, beaux bonne rêves. nuit. À bientôt, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.